Donc normalement c'est bon. Bah ouais, normalement c'est bon aussi. Bah écoute, super. Alors attends deux secondes, je dois juste répondre à un message. Vas-y. Hop. Putain, c'est vrai, merde. Faut se répondre aussi. Vas-y. On n'est pas en retard là. De toute façon, je pense que au plus tard des plus tard, 11h moins le quart, on a fini, hein, c'est sûr. Ouais, moi il aurait fallu que vers 10h30 je sois dispo. Ah ben c'est parfait, on va faire ça. Par contre, c'est à ton tour de choisir la musique là. Ouais, attends. Voilà, on s'appelle vers 10h30. Brocast épisode 14. Alors Brocast, c'est le podcast gaming dont les deux hosts sont des bros passionnés de jeux vidéo et qui besognent dans ce milieu aussi captivant qu'apitoyable. Le premier bro c'est moi, Bruno, alias chez Bruno sur Twitter. Quant au deuxième c'est Julien, fondateur du studio Storybird Games, que l'on peut retrouver sous le pseudo de Forza Pedro sur Twitter. Alors Juju, comment ça va après tout ce temps? Ouais, bah tout ce temps, là on... Normalement, on devrait même pas enregistrer, c'est juste qu'on a réussi, enfin on a réussi, on a poussé les murs, comme on dit, exactement. Pour trouver un peu de temps, parce que sinon, ça allait encore repousser l'enregistrement de plusieurs jours, si ce n'est plusieurs semaines. En ce moment, c'est un peu compliqué, parce qu'on a beaucoup de boulot, voilà. On travaille sur plusieurs jeux en même temps, j'en reparlerai tout à l'heure, mais on a un jeu qui vient de sortir. Toi c'est pareil, pour l'instant on peut pas trop en parler, mais t'es en train de bosser sur du un game projet design. Top secret FBI, voilà. Sur du game design, pas chez nous, cette fois ailleurs, mais c'est pareil, t'es quand même excessivement blindé, donc c'est dur de trouver le temps. Après je suis assez surpris, c'est pas pour faire le faux modeste, hein, mais je suis assez surpris quand même du entre guillemets, avec des grosses guillemets genre majuscules, du succès en fait de Brocast. Quand on a commencé, moi je m'attendais à avoir une petite centaine d'auditeurs. Oui, moi aussi. Voilà, c'était surtout genre, c'est pour genre Raphaël, c'est notre cousin et quelques potes écoutent. Et puis les proches, et ceux qui nous suivent depuis longtemps sur les réseaux sociaux aussi. Voilà, qu'on n'a pas trop l'occasion de voir. Et puis ça permet de, voilà, aussi d'échanger avec eux post-podcast sur les jeux, etc. Parce que bon, faut dire que dans notre entourage et dans la famille, il y a quand même énormément de gamers. Donc ouais, je suis étonné, agréablement surpris, donc c'est Ce qu'il faut dire, c'est cool. Que ce qui nous étonne, c'est que très régulièrement, quand on lance un nouvel épisode, on se retrouve dans le... Alors soit dans le top 5, dans le top 10 ou dans le top 15, des podcasts les plus écoutés sur iTunes, les podcasts jeux vidéo bien sûr, hein, je précise. Mais même ça, on s'y attendait pas du tout, quoi. Donc on vous remercie énormément. Là, c'est vrai qu'on vous a habitué à un épisode ou deux par mois. Et ces derniers temps, comme vient de vous l'expliquer Julien, on a des emplois du temps de taré. Ah, c'est tendu. Et là, on a dû vraiment... parce qu'on on veut quand même pas vous laisser... pareil, en toute modestie, hein, c'est que vraiment, cette fidélité que vous nous accordez, on veut vraiment en être digne. Donc on s'est vraiment arraché les cheveux pour le peu qu'il en reste, pour trouver des créneaux. Et essayer de quand même de continuer à vous livrer des émissions régulièrement. Puis nous, on adore le faire aussi. Donc voilà, c'était l'explication pour le petit retard du coup, épisode 14. Je vous cache pas qu'en direct live, peut-être que pendant l'enregistrement, vous allez m'entendre taper au clavier. Parce que même si j'ai réussi à débloquer du temps, malheureusement, j'ai des obligations. Des impératifs. Donc des fois, je répondrai peut-être donc à Romain... le développeur avec qui c'est pas grave, ça rendra le podcast plus vivant. Ouais, voilà, et il se peut que je réponde même à un client, quoi, un ou deux clients sur Skype, vu qu'on est en train de publier une appli aussi en ce moment même, là en fait, limite en direct live pour un client pour Canal Plus. Donc voilà. Alors, justement, on va parler de notre actu, c'est que Moi, je peux pas encore vous en parler. Pour toi, Juju, alors, vous venez de sortir un jeu sur iOS et Android. Si tu veux nous en parler 5 minutes. Ouais, alors pas encore Android, ça va arriver, mais on est dessus. Oui, enfin, je veux dire, c'est prévu, quoi. Ouais. Pour ceux qui me suivent, ils ont quand même l'habitude de voir que je sors régulièrement des petits jeux sur mobile, des petits puzzle games. Des petits jeux comme ça, un peu d'adresse, etc. Alors bon, faut savoir que tous ces jeux, c'est surtout l'expérimentation et c'est pendant mes heures, on va dire... À côté des projets plus amples. Voilà, mes heures de libre, parce que comme beaucoup de développeurs, je n'arrive pas à rester sur un seul gros projet, en fait. Je suis obligé de faire d'autres trucs à côté, sinon je pète des plombs. Parce que voilà, c'est comme ça, c'est de l'hyperactivité, on va dire. Donc c'est des jeux sur lesquels je communique pas vraiment beaucoup. Par contre là, on a sorti donc avec Romain Guns of Mercy, qui est notre nouveau gros jeu, on va dire. Donc cette fois sur mobile, donc sur iOS et Android. Bah Android c'est dans les semaines à venir, hein, ça devrait arriver. On est en train de finaliser en fait la version Android. Donc rapidement, alors c'est un shoot. À écran fixe, en fait c'est voilà des séries niveaux un peu comme les vieux jeux style Bubble Bubble, Pang, etc. Sauf que là c'est vraiment un jeu de tir, on a un personnage en bas de l'écran qui tire sur des monstres qui apparaissent en haut. C'est pas aléatoire, hein, tout est. Il y a un level design, il y a plus d'une centaine de niveaux. Il y a plusieurs personnages, une dizaine d'armes. Les patterns sont bien définis. Oui, voilà, y a un véritable level design. On a un gros méca aussi qu'on peut diriger. Il y a des boss. Bref, ça fait je crois 7 mois qu'on était sur ce jeu. 7 mois pour un jeu mobile, pour nous, c'est énorme. Franchement, on a mis toute notre patate quoi, dedans. Bah, ça se ressent donc... parce que le jeu a vraiment la patate en fait. Ouais. Il y a une patate qui se dégage, une nervosité. C'est assez plaisant. Ouais. Romain et moi, on n'est pas super fans des jeux mobiles, quoi. On trouve pas de jeux vraiment qui nous bottent dernièrement, en dehors de Dandy Dungeon et peut-être Fire Emblem, moi, de mon côté. Sur mobile, ça reste très limité. On a vraiment, à la base, on s'est vraiment fait un jeu presque pour nous, j'ai envie de te dire, du genre vieille bande d'arcade, tu vois, mais graphiquement, on est entre la NES et la PC Engine et la Super NES. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est à cheval entre les 8 et les 16 bits, en fait. Un petit peu. C'est du néo-rétro, quoi. Donc, on a essayé de faire un truc extrêmement nerveux, très évolutif, avec pas mal de skills, quand même. Voilà, quoi. Et puis, c'est gratos. Alors, pour la petite anecdote, le jeu devait sortir donc hier. Donc, on avait programmé la sortie pour hier, mais Apple n'a pas attendu, n'a pas respecté. Oui, c'est ce que j'ai vu, hein. La date de sortie, il l'a publié lundi, ce qui fait qu'il l'a publié sans les in-app purchases, donc ce qui permet de nous faire vivre, vu que nous, on n'avait pas encore... Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, préciser ce que c'est exactement, ça ? Bah, en gros, c'est du contenu payant, quoi, parce que dans le jeu, en gros, tu gagnes du pognon. Avec ce pognon, tu augmentes de level, donc tu augmentes tes stats, genre l'attaque, ta vitesse, voilà, toutes ces conneries-là, quoi, parce qu'il y a une composante un peu, même beaucoup, RPG dans le jeu. Comme tant d'autres jeux mobiles, tu peux booster avec du, entre guillemets, du plus rapidement, avec du vrai pognon. Voilà, après t'es pas obligé d'acheter, hein. tu peux jouer au jeu. On s'est quand même cassé le cul pour que tu puisses jouer au jeu, entre guillemets. Ça c'est bien, moi ça c'est bien de le préciser, parce que sans passer à la caisse, voilà. Quoi. Très bien. Par contre, ça demande du temps, tu vois. Forcément, faut farmer, faut farmer. Mais je trouve que la démarche est honnête, parce que il y a, c'est vrai que sur mobile, on a les deux schémas, on en a vraiment. Il y a certains jeux qui t'obligent vraiment à mettre la main au porte-monnaie en devant comprendre que voilà, si tu lâches pas un peu de thunes, tu n'y arriveras pas. Ça, je trouve ça vraiment indigne. Ouais, quelle indignité, comme dirait Sarkozy. Non. Mais à côté de ça, on trouve aussi d'autres jeux mobiles, je trouve qu'ils sont très très bien foutus, où tu peux vraiment progresser, comme c'était le cas de Puzzle & Dragons, par exemple. C'était un de nos targets, c'est-à-dire. Tu vois, ma Puzzle & Dragons, j'y ai joué, je sais pas, peut-être une centaine d'heures, j'ai jamais mis la main au porte-monnaie, tu vois. Ouais, moi j'avais craqué à certains moments, j'avais mis un peu de thunes. Ouais. Non, bah après, tu vois, par contre. Mais c'est à la discrétion de chacun, quoi. Voilà. Voilà, t'as des pubs, etc. dans les jeux, et ça c'est normal. Après, il faut que les développeurs se rémunèrent. Vivre. Et nous, c'est pareil, tu vois. Il y a des pubs dans le jeu, mais qui sont pas obligatoires. On met jamais de pubs obligatoires. Par contre, tu vois, genre quand tu crèves, tu peux. Dans ta partie, tu peux ressusciter une fois en regardant une petite pub. Tu peux gagner des diamants gratos en regardant des pubs. Les diamants, en fait, c'est vraiment la monnaie ultime. Ça permet d'accéder à des armes assez puissantes. Pour les armes, on s'inspirait de Contra, tu sais, de Contra sur Super NES. Ouais, ça se voit. C'est à peu près les mêmes armes, d'ailleurs. Bon, on a fait des trucs un peu à nous. Tu sais, on a mis aussi une arme avec les tirs qui rebondissent à la Turrican 2. Enfin, bon, on s'est cassé le cul, voilà. Allez-y, allez télécharger. Rappelle le nom pour bien le trouver Guns sur le moteur de recherche. Alors, Guns of Mercy. Guns of Mercy sur iOS et dans quelques jours donc sur Android, c'est gratuit. On a foutu le paquet. Les premiers retours qu'on a sont plus qu'excellents. Il y a un forum sur le site Touch Arcade, qui est le site leader du test mobile au monde. Avec des gens justement qui parlent du jeu. Du coup, j'échange aussi un peu avec eux pour les prévenir que Apple ont merdé sur les mises à jour. Sur la version, pardon, parce qu'on a envoyé une mise à jour il y a 48 heures, ils n'ont toujours pas publié. Hein, donc on galère un peu, ils attendent. Et on est vraiment soutenus, et c'est marrant parce que les mecs disaient, mais c'est bizarre, pourquoi un jeu aussi complet et aussi bon, c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais vous avez qu'à aller voir, hein, c'est sur le forum. Les mecs disaient, pourquoi un aussi bon jeu est gratos, c'est quoi le truc, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est parce que les in-apps sont pas branchés, quoi, tout simplement. Et aussi, ce qu'on va conseiller avant de passer à la suite, ouais. Parce qu'on a un programme extrêmement chargé, c'est déjà d'aller voir soit sur la page Facebook ou le site officiel de Storyboard Games, voir sur ton compte Twitter ou sur mien, ce que je retweete beaucoup, ce que tu partages sur le jeu, et surtout, ce qui est dommage, c'est que pour l'instant, il n'y a pas un seul mot dans la presse française en ligne, donc ça, c'est un petit peu... Ça, tu sais, ça pourrait être un sujet entier, en tant que développeur, je peux vraiment le dire, en France, ça ne marche que copinage. En France, c'est tout. Il y a, tu sais, quand dans les sites, ils disent, ouais, les jeux français indés, c'est important, blabla, tout ça, c'est du pipeau, c'est juste pour faire du clic et paraître beau, hein. C'est tout. Hein. Il n'y a aucun soutien. Parce que t'as contacté pas mal de monde. Ouais, mais c'est toujours les mêmes quoi, qui répondent. C'est toujours les mêmes qui disent « Ouais, ok, on va regarder. » C'est boule à poire de Gamekult. Quelques mecs, tu vois, regarde, tout le monde leur crache à la gueule, mais les seuls qui ont publié le trailer, c'est jeuxvideo.com. Personne ne répond, quoi. Enfin, jeuxvideo.com, c'est vrai que par rapport à The Fading Teddy, ils avaient été... Ouais, et en plus, tu sais quoi, c'est le même mec qui m'a répondu. C'était un peu l'arnaque quand même, hein, mais bon. Ouais, c'est l'arnaque. Un peu beaucoup. Mais bon, ils n'ont pas le temps, c'est Epion, là, je tiens à le remercier. Malgré son test moisi de Fading Teddy 2. Bah oui, ce qu'il avait fait que les deux premières heures, et puis. il a fait le tuto, quoi. Il a fait le tuto. Mais en fait, quand j'y parle, et qu'il me dit, ouais, je vais en parler à la rédac et tout, je me rends compte que, enfin, comme ça, d'extérieur, qu'à chaque fois, il arrive à sa rédac, à son rédac chef, qui lui dit ferme ta gueule et puis tu testes ça. Et en fait, il a aucun pouvoir. Les rédacteurs n'ont pas de pouvoir dans ces sites-là. C'est tu te tais, on nous a donné 1000 balles pour faire ce test-là, donc tu fais ce test. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Hein. Et puis, si tu as le temps, on peut pas affirmer que ça se passe comme ça vraiment. Voilà. Mais, puis, c'est si le ressenti que tu as de ton côté. Quoi. Voilà. Et après, bon, bah, les autres sites, alors Gameblog, n'en parlons même pas. Gianni, que j'aime beaucoup, c'est un des rares. Lui, il m'a foutu un gros vent. Sur le net, la plupart des sites m'ont foutu des vents, et je tiens quand même à remercier certains, et toujours les mêmes une fois de plus, qui sont au taquet et qui répondent. Donc bon, la FJV, je dirais que c'est normal, puis les sites indés quoi, genre Rome Game, etc. Et je tenais aussi particulièrement à remercier donc Florent Gorge, parce qu'il m'a aidé. Qu'il avait pas mal partagé. Par mail, on parlait. Il m'a dit c'est inadmissible que vos jeux soient pas plus relayés. Lui, il ne comprend pas quoi. C'est l'incompréhension totale. Il dit même Retro Challenge, je comprends pas pourquoi c'est pas passé sur tous les sites. C'est très bizarre quoi. Mais en fait, c'est pas bizarre. C'est juste que ça marche au pognon. Il suffit de voir. L'exemple, il est très simple. J'envoie des mails aux États-Unis. Même en plein dans la nuit, dans les quelques heures qui suivent, les Américains répondent toujours. Que ce soit négatif ou positif. Ils disent oui, on peut, ou on n'a pas le temps, ah, mais en tout cas, ça a l'air cool, dès qu'on peut, on en parle, blablabla, blablabla, blablabla. Les Américains répondent toujours. T'envoies à toute la presse française, personne ne te répond. Personne, personne, personne, personne. Ils sont sur 100 envois, il doit être peut-être 5 ou 6 à répondre. Quoi. Et c'est toujours comme ça. Toujours, toujours, toujours. Si t'es pas un gros chez nous, t'es mort. T'es mort. Les indépendants n'existent pas. Ils existent uniquement... Tu sais quand la presse française parle des gens indépendants ? C'est quand c'est relayé par Kotaku, NeoGAF, tous ces trucs-là. Tant que c'est pas relayé par ces sites-là, en France, on n'en parle pas. De toute façon, il y a... Trois quarts des sites d'info français, ils se font pas chier, ils vont piocher sur, sur tous ces sites-là. Là, vraiment, c'en est la preuve. Parce que tu vois, quand c'est les développeurs qui viennent eux-mêmes, ça fait des mois qu'ils bossent sur un projet... Et là, merde, on n'a pas fait un Candy Crush, quoi. On a fait un shoot rétro qui marche plutôt bien. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais les stats sont très encourageantes alors qu'on n'a aucune mise en avant. On aurait une mise en avant, eh ben ça paraît des développeurs, quoi. Mais ah, puis après, ouais, c'est les mêmes qui vont dire « Oh, c'est dommage, encore un indé crevé qui ferme, qui met la clé sous la porte. » Exactement. Après, oh, oh zut, c'est triste. Zut, Arkedo, ils sont morts. Mais tu crois qu'Arkedo, ils ont eu du soutien de la presse? Arrête, putain. Ils ont eu du soutien de la presse dès l'heure où il y a eu Sega, quoi, pour leur jeu. Mais avant, il fallait qu'ils baissent leur froc pour qu'on parle de leur jeu. C'est comme ça, chez nous, c'est comme ça. Il y a plein de jeux, tu vas sur itch.io, il y a plein de jeux français qui défoncent, personne n'en parle. Alors, si t'as Gotos, des fois, vite fait, sur GK, qui parle d'un ou deux jeux, ou Boulap, quoi. Mais en dehors de ça, sans déconner... Bon, alors, Gameblog, n'en parlons pas, c'est une vaste blague, ce site, de toute manière. Mais là, c'est mon coup de gueule, si on n'avait pas le temps de faire un coup de gueule. Mais vraiment, c'est important de comprendre... Non, mais, c'est intéressant, parce que... Mais il faudra limite faire une émission spéciale là-dessus. Il n'y a pas de soutien en France. Mais c'est indépendant, il n'y en a pas. Là, c'est vrai qu'on avait prévu de faire court pour les coups de gueule, mais ce que tu dis, c'est hyper important, c'est vital, parce que... C'est avec ce genre de entre guillemets d'indifférence qui se cumule, qui va peut-être. Alors, je te le souhaite pas du tout. Hein, je touche du bois, je croise tout ce que je peux croiser, mais qui peut peut-être un jour te faire approcher de la banqueroute parce que vous avez des jeux d'extrême qualité. C'est pas comme tu dis, c'est pas genre parce que là on va nous dire extrême oui. Extrême qualité, faut peut-être pas abuser. Non, mais là on va nous dire vous prêchez pour votre paroisse tout ça, mais non, mais Guns of Mercy. T'as des bons retours partout. On a des retours excellents. Et je veux dire, ton jeu serait merdique. Je veux dire, tu le saurais, tu dirais bon bah c'est normal. On le sortirait pas. Voilà. On sortirait pas. Là vous avez des bons retours, on n'en parle pas. Alors que parfois il y a des trucs dont on parle sur les sites. Qui sont franchement, tu vois, qui sont faits avec vraiment trois bouts de ficelle, et, bon, qui sont sympas, mais qui n'ont pas ce... Ah, c'est du copinage. Qui n'ont pas c'est ce degré de finition. Donc, le tout n'est pas de dire, on a fait un truc génial, parlez-nous, mais bon, au moins non. Une petite news, même deux lignes. Non, mais là, parlez-en, quoi, tu vois, voilà. Là, les retours qu'on a, c'est que c'est un des meilleurs shoots sur mobile. Alors, c'est très encourageant hein, d'entendre ça. Nous, on n'a plus assez de recul, vraiment, pour savoir, mais putain, on fait un jeu gamer, parce que c'est un jeu gamer, hein. On fait un jeu gamer, mais tout en essayant de le rendre accessible, ça fait 8 mois qu'on est dessus et qu'on l'équilibre. Toutes les phases de test se sont excellemment bien passées. On s'est cassé le cul pour faire une DA qui pète et surtout un jeu qui nous plaît, nous, en tant que joueurs même, tu vois, qui nous emmerde pas à jouer, tu vois, et qu'on est fier de présenter. Et c'est rare, tu vois, d'être fier de présenter un jeu. Tu vois, même Final Fantasy 2, moi, il y a plein de trucs que je regrette dedans, tu vois. Genre le système de combat qui est pourri. Enfin, il y a plein de trucs où je nie pas, tu vois. Je dirais pas qu'il est pourri, non, franchement. Non, mais il est moyen, en fait. On aurait pu faire tellement mieux. Bref, on n'avait pas vraiment le temps non plus. Mais voilà, là, c'est le premier jeu qu'on auto-édite. Et putain, mais on se prend des vents, mais on envoie tout, les trailers et tout. On n'a que des bons retours par les joueurs. Et la presse en a rien à branler, quoi. Mais parce que ça génère pas de clics. Regarde, ils ont diffusé le trailer sur jeuxvideo.com. Bon, ils ont fait une news. Franchement, on dirait un post caramel, quoi. C'est... Oui, oui, il y a un jeu. Mais tu sais quoi, je ne l'ai même pas vu passer. Moi, j'irai voir ça, je la partagerai. Je ne l'ai même pas vu passer. C'est du genre, bon, tiens, voilà, il y a un nouveau jeu sur mobile, c'est les mecs de Storybird. Allez, au revoir, à plus, on se fait une bouffe. Voilà, c'était posté vraiment. Au moins, ils l'ont posté quand même. Bon, voilà. Ouais, ils l'ont posté quand même, mais du coup, c'est normal. Si tu présentes un truc comme ça, c'est oui, tiens, voilà, il y a ça. Allez, au revoir. Disons que je pense que deux lignes sur JV.com, qui est comme le premier site JV d'Europe, bon, c'est toujours mieux, si tu veux, qu'il y ait un gros paragraphe ailleurs. Mais bon, c'est vrai que ça. Si t'as l'impression que ça a été fait à l'arrache comme ça, bon, c'est pas... Ah bah, ça a même pas été fait à l'arrache, ça a été fait aux chiottes, hein, clairement, genre sur mobile, tu vois. Entre genre, deux ploufs. Allez, je poste ça parce que j'ai dit que j'allais le poster, et puis parce que ces mecs-là, ils sont sympas, puis c'est tout, quoi. Et d'ailleurs, bon, ce qu'on pourrait dire, en fait, à nos auditeurs, c'est d'aller voir donc, Guns of Mercy, donc Gun, hein, comme pistolet, n'est-ce pas, oui. Of Mercy, M-E-R-C-Y, voilà. Allez voir ça. Si ça vous plaît, partagez un max. Réagissez sur les réseaux sociaux, coup de gueule que vient de faire Juju, parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'il veut vendre sa soupe, mais bon, je comprends, c'est rageant, parce que c'est vrai que... moi ayant participé à l'aventure Fading Teddy 2, c'est vrai qu'aussi on avait vraiment ressenti cette injustice du fait que pourquoi on n'en parle pas alors que les sites étrangers, c'est pas comme si tout le monde trouvait ça pourri. C'est-à-dire mais que non. sur les sites ricains, pareil pour Fading Teddy 2, quand même, il y avait eu des éloges qui étaient quand même assez, assez dithyrambiques. Mais attends, on a plus que 80 sur Metacritic, sur PS4, il y a une communauté de dingue, tous les jours ça poste, enfin. Mais d'un point de vue franco-français, t'as l'impression que ça n'existe what the pas. Fuck. Juste, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Il faut quoi ? Il faut 99 sur Metacritic pour qu'on parle de toi ? Et je vais te dire, moi qui suis beaucoup, que ce soit les réseaux sociaux, les news, j'y vais, internationales et françaises, d'un point de vue de l'Internet français, on a l'impression que Fading Teddy 2, plus personne n'y joue depuis 3 jours après sa sortie, quoi. Tu vois ? Ouais, alors qu'aux États-Unis, voilà. Ça continue. Enfin, je veux dire, voilà, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais on fait du chiffre. Sur PS4, le jeu marche plutôt bien. Sur Wii U, on a eu des emmerdes avec la version, version européenne qui est buggée et qu'on est toujours dessus parce que la Wii U, alors là, vraiment, j'enfonce le clou, c'est de la grosse merde. Donc, c'est très compliqué, quoi. Mais en dehors de ça, putain, sur PS4, quand j'ai vu la communauté et j'ai vu tout le monde dessus, tu sais, poster des trucs, des énigmes et tout, etc., j'ai halluciné, quoi. Tu vois, je fais putain. Mais comme la presse n'en parle pas, même moi, je le savais même pas, quoi. Tu vois, enfin. Du coup, je suis un peu le truc de temps en temps, je leur réponds quand je peux, mais c'est. J'hallucine, quoi, d'avoir une aussi bonne note métacritique et d'avoir aucun soutien. Mais tu sais, c'était un peu pareil que Fainted Teddy 1. Fainted Teddy 1, je crois qu'on a 84 ou 85 sur Metacritic. On a reçu des prix virtuels, entre guillemets, de plein de sites, dont Touch Arcade, dans le top 5 des meilleurs jeux d'aventure sur mobile, etc. Enfin, bref. On a eu que des éloges et on a eu quoi ? Un test sur Gameblog, je crois, il y a longtemps, hein, c'était en 2012, parce que notre éditeur LookAtMyGame connaissait un mec de Gameblog, sinon on n'aurait jamais été testé. Mais parce que si je me souviens, je suis retombé par hasard sur une vieille news de Gameblog qui disait. Le premier Fading Teddy. Pourquoi alors c'était news ou un post sur Twitter, je me rappelle plus, ou pourquoi on n'en parle pas plus, c'est pas normal, il est vachement bien. J'ai souvenir de ça, moi. Mais là, je te parle du tout premier Fading Teddy. Hein. Donc, ouais, du tout premier. Non, mais même PewDiePie a posté sur le premier Fading Teddy. Donc, on a eu. Bon, le trailer avait fait son petit effet, mais on a eu pas mal de soutien. Il faut dire qu'en 2012, il n'y avait pas autant de gens indés. Ouais, c'est ça. Que maintenant, et que du coup, c'était un peu dans la vague. Les gens indés, ça génère du clic. Donc, ça a été facile, tu vois. Maintenant, les gens indés, ça génère pas vraiment de clic. Moi, je pense qu'il serait intéressant, c'est qu'on fasse. Ceux qui nous écoutent, là, dites-nous ce que vous en pensez. Mais moi, je pense qu'il serait sympa, ce serait qu'on fasse une émission vraiment basée sur ton. Alors, il ne s'agit pas de dire que toi, ton expérience vaut pour celle de tous. Tout le monde, évidemment. Sans faire de généralité, faire toi ton témoignage. Parce qu'on sent vraiment qu'il y a beaucoup quand même de rage et c'est compréhensible. Et limite, même si on s'était donné comme règle d'or de n'avoir aucun invité dans Brocast pour garder vraiment le concept clair et net, c'est-à-dire nous deux qui discutons, puis l'auditeur vient comme s'il écoutait des potes parler de jeux vidéo, rester entre frères. Ce qui pourrait être sympa un jour, ce serait aussi d'avoir quand même 2-3 mots de Romain aussi avec toi, parce que des fois je vois qu'il poste. Lui, il sera plus méchant que moi. Hein. Oui, je vois des fois ce qu'il poste sur Facebook et Twitter où on sent vraiment que. Lui, il est virulent. Il a une rage. Ce qui est compréhensible quand tu bosses sur un jeu à décéder tellement tu dors plus. Et puis voir que derrière, tu te sens pas soutenu, bon, ça peut se comprendre. Non, mais le truc, c'est qu'en France, si tu connais pas la presse, si tu vas pas à des soirées ou de je sais pas quoi, si tu bois pas des bières avec eux, c'est mort. Tu vois, c'est tout est. Alors, je sais que voilà, c'est le béaba, mais tout est dans le relationnel entre guillemets. Le travail presque, c'est secondaire, quoi. C'est définitivement, c'est comme ça. Mais tu sais, c'est pareil dans le cinéma hein, avec les films indés ou les courts métrages. C'est chez nous, c'est le paraître chez nous, c'est tellement, tellement, tellement important. On est le pays des étiquettes que dès que tu ouvres un peu ta gueule ou dès que tu es discret, parce que je suis quand même un développeur très discret, bah mes jeux, on les voit pas, quoi. Mais ouais, mais moi, mais c'est pas, ça. C'est pas mon truc de baisser mon froc. Enfin, je dis pas que les autres font ça, mais c'est pas mon truc de danser à poil et de me mettre en avant et d'aller à toutes les soirées et de faire tout ça. Enfin. Ah non, mais ça, de toute façon, moi, je me rappelle l'époque où j'étais dans la presse, j'aimais pas les soirées. J'avais plein d'ex-camarades à l'époque où j'étais journaliste JV qui adoraient aller en soirée pour se montrer, discuter. Moi, à partir du moment où j'avais vu le jeu, j'avais fait mon interview, le reste, voilà quoi. Je m'en foutais complètement. Le truc, c'est qu'il ne s'agit pas de baisser son froc, mais je pense qu'actuellement, il faut vraiment prendre les réseaux sociaux. Alors, je ne te parle pas des soirées, ouais. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est hyper important. Et pourtant, je vois que tu postes de plus en plus dessus. malgré tout. Bah, j'essaye, ouais, j'essaye. Mais c'est pas bon, c'est vrai que ça, c'est une donnée à prendre en compte. Enfin, en tout cas, je pense que c'est vraiment un sujet intéressant qu'on devrait traiter dans un épisode. Le tout n'étant pas de faire un épisode à charge contre ces méchants journalistes de la page. Non, parce qu'il y en a des super. Il y en a qui déchirent, c'est pas le souci, tu vois. Mais après, c'est, je pense que ça rejoint aussi. La conjoncture actuelle, l'économie de la presse jeux vidéo, je pense que tout est plus ou moins lié. Ça serait bien d'en parler. Moi, ce que je propose, c'est que on zappe. On voulait faire un point Switch. Moi, je propose qu'on zappe directement. On le fera la prochaine émission, puisque ceux qui ont entendu l'épisode 13 savent que nous, on était très très très sceptiques sur la proposition. De la Switch. Il s'avère que là, elle est en train de battre, en tout cas en France et sur certains segments, des records et une belle performance. Donc, c'était cool. Vraiment inattendu. Même si on est, voilà, si on est toujours assez en colère par ce qu'a fait Nintendo ces derniers temps, on n'en reste pas moins des fans de Nintendo. Donc, on est content pour eux malgré tout, même si on ne s'attendait pas à un tel plébiscite. Mais Non, mais c'est bien pour la santé du marché, c'est bien. Voilà. Et pour la santé du marché, pour notre amour de Nintendo, ça nous fait plaisir. On décortiquera ça dans une prochaine émission. Ouais. Et puis attendre de voir des chiffres plus complets. Donc là, si vous nous rejoignez pour cet épisode 14, hein, donc je le rappelle que Brocast vous invite à vous asseoir à une sorte de table virtuelle, comme si vous entendiez des potes parler jeux vidéo, voilà, en toute décontraction. Bon, je pense que c'est l'intro de l'émission vous prouve, la mise en bouche qu'on vient de faire vous prouve tout cela. On avait envie de parler pour cette émission de Resident Evil 7 et du dernier Zelda, Breath of the Wild, puisque je trouve que ces deux jeux sont représentatifs d'une tendance. En tout cas, ils sont une tendance à eux deux, c'est-à-dire que ce sont des séries qui reviennent, alors, de pas très loin comme Zelda, voire de très très loin comme Resident Evil, c'est ça. Qui renouent avec leurs racines, tout en ingérant et en digérant des influences occidentales. Mais pour en faire une interprétation qui leur est propre, quoi, et qui c'est exceptionnel. Moi, enfin, ça aussi, on en reparlera sûrement dans un prochain épisode. On vit un début d'année, je pense, mythique en termes de jeux vidéo. Ouais, c'est clair. De la fin 2016, début trop, 2017, voilà. C'est une des plus belles périodes de l'histoire, hein, du JV, clairement. Ah, surtout grâce à Guns of Mercy, mais sur iOS. bien sûr. Ah bah, franchement, ça ne me serait même pas venu à l'idée sans Guns of Mercy. Hein, mais on vit vraiment une période, un retour en force des Japonais sur les consoles de salon. Enfin, vraiment, c'est hallucinant. Entre le Zelda, le RE7, le Persona 5, le Nier Automata, et j'en passe et des meilleurs, c'est hallucinant. Côté Occident, la qualité est aussi là. On a des jeux comme Horizon qui cartonnent, et c'est carrément une nouvelle licence phare de l'univers PlayStation. Et donc, RE7, Zelda, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire la première partie de l'émission sur RE7, que Julien et moi avons terminé. Et ce qui est génial, c'est que, comme d'hab, on l'a gardé pour l'émission, on n'en a pas du tout débattu. On ne sait pas si on va être d'accord sur tout, on ne sait pas. C'est voilà. De la merde. Voilà. Voilà. Allez, à dans un mois. Ciao. Bon, ciao. Maintenant faut bosser. Voilà, faut bosser. Voilà. On vous avait promis, on a fait l'émission. Bon, elle dure une demi-heure, mais voilà. Et après, on va parler de The Legend of Zelda, Breath of the Wild, avec mon super accent, parce que moi, je l'ai donc sur Wii U. Et d'ailleurs, tu me feras penser si j'oublie, mais il faut vraiment que je parle de cette mascarade. De communication autour de la version Wii U qui était soi-disant catastrophique. Voilà, il faudra qu'on revienne là-dessus. Moi, je dois voir peut-être une vingtaine d'heures de Zelda alors que j'ai dû voir 2% du jeu. Mais il faut absolument qu'on en parle parce que c'est l'actualité brûlante du moment et ce qu'a réussi à faire Nintendo, même si ça va diviser certaines personnes, c'est assez magique. Mais on va. Alors, sans spoiler, je précise. Vous pouvez être tranquille, que ce soit RE7 ou Zelda, on va rien dévoiler de l'histoire, à part le pitch de base que tout le monde connaît bien sûr, mais donc Zelda, voilà, t'es dans Hyrule, R7, faut aller chercher ta femme, bon ça tout le monde le sait, je pense que c'est pas un spoiler. Ouais bon ça c'est. Ouais. Voilà, c'est le truc de c'est base. C'est le béaba quand même. Voilà, c'est le béaba. On va essayer pas vous spoiler, que ce soit les scènes cultes, les machins, mais c'est plus une sorte d'analyse, je vais dire à chaud comme ça, en toute décontraction de ce que ces deux jeux ont réussi à faire. Donc R7, il faut le rappeler, vue subjective, on avait annoncé ça comme un retour aux sources de l'horreur, ouais. Plus atmosphérique. Ouais. Bon, ceux qui me suivent savent que moi je suis un très très très très grand fan de Resident Evil. Moi un peu moins. J'avais fait perdre la vie à l'époque où j'étais rédacteur JV pour faire le hors-série IG voilà, que j'avais écrit à 80% en Resident Evil. Je suis un grand fan depuis le début et un fan meurtri lors des épisodes 5 et 6 ouais. Qui m'ont vraiment voilà, dépité, catastrophé comme c'est beaucoup. De la merde, c'est tout, faut le dire, c'est de la merde. Alors, à part le 5 en multi, alors, c'est drôle. Non, je dirais que le 5... En multi, il est drôle le 5. Non. Solo, c'est de la merde, en multi, c'est cool. Non, je dirais que le 5, c'est pas de la merde, c'est un jeu d'action, on va dire, sur le moment, qui est, si tu le prends Horizon Evil... qui est sympatoche et qui a un premier quart d'heure qui est super. Voilà, le premier le début est cool, mais bon, dès que tu poses une mine, Shiva, quand va aller chercher. Non, mais quand t'arrives dans le village au début, non, l'ambiance 5, que tout le monde te regarde d'un air un petit peu, c'est ouais. Ça, je dis, ouais, c'est génial. Bon, c'est une bonne ambiance qui dure un quart d'heure et après, ça part dans le n'importe quoi. Et le 6, bon, moi, je l'ai même pas fait, tu vois, j'ai même pas eu envie. Bah, moi, en tant que fan d'Horizon Evil, j'étais content de retrouver des personnages comme Sherry Birkin, etc. Ouais, bon, ouais. Je me suis quand même fagoté en mode normal tous les scénarii. Voilà, j'ai fini à 100% parce que je voulais voir au niveau de l'histoire ce qui se passait. Ouais. Mais au niveau du jeu, on pourrait résumer ça en. On va faire tout ce qui marche chez les Occidentaux, mais en vachement moins bien. Voilà, donc ouais, c'était un peu ça. D'accord. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est que pour autant pour Resident Evil 7 d'ailleurs que pour Zelda, le nouveau, c'est que comme j'avais un peu peur du résultat, j'avais pas mis de gros espoirs en fait. Ouais. Je me suis dit au pire, si c'est sympatoche, je serais très content. Parce qu'on y reviendra sur les Zelda récents 3D, je précise. Ouais. Moi, j'avais été énormément déçu. Donc, je me suis dit, bon bah si c'est au moins c'est sympa, c'est bien. Et donc Resident Evil 7, je l'ai précommandé, comme le Zelda Wii U d'ailleurs. Et quand il est arrivé, vraiment, je me suis dit, là j'étais pas dans le genre, ah il faut que ça tue. Non, je me suis dit, bon, bah, si c'est juste sympathique, si c'est mieux que le 6 et le 5, c'est déjà bien, ce sera déjà bien, énorme. Bon, ouais. Le fait est que moi... Il reviendrait de loin. Quoi. Il reviendrait de loin, exactement. Ouais. Même s'il copie, si c'est du copier-coller d'Outlast, d'Amnesia ou je ne sais quoi. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Je me dis, c'est bien. Oui, mais enfin, Resident Evil, ils ont passé 20 ans, 25 ans à se faire copier, donc ça va, quoi. Non, c'est mais justement, grave. Moi, je trouve qu'on est au-delà de la copie. Bah, oui, c'est oui, ça, c'est clair, ce qui le lie aussi pour moi, enfin, dans cette thématique avec le nouveau Zelda. Et bon, moi... J'ai pris, dès les premières minutes, des uppercuts dans la gueule. Voilà. Je vais en parler aussi, mais il faut que j'aille pisser. Bah, tu sais quoi ? Pendant que tu vas pisser, je vais rappeler brièvement pour les auditeurs le pitch de départ de Resident Evil. Ok, bah, raconte, et moi, vas-y, je vais pisser. C'est bon. Tout de suite. Tire la chasse, hein. Alors, pendant que Julien va faire son pipi, bon, je pense que vous avez tous plus ou moins comme entendu le pitch de départ, au moins vu un trailer, une bande-annonce. Donc on joue le rôle d'Ethan, qui n'a pas eu de nouvelles de sa femme depuis 3 ans. Il reçoit un mail vidéo, enfin il reçoit une vidéo de sa femme qui lui dit « voilà, je suis là, il se passe des trucs, mais surtout si t'as ce message, ne viens pas, machin, bref ». Bon, bien sûr, il y va. Donc, il se rend dans une demeure en Louisiane, dans le bayou, pour voir un petit peu où est sa femme, qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà. Donc ça, c'est le pitch de base classique, hein, qui fera même penser à Silent Hill 2, même si c'est pas du tout la même approche. Et voilà. Et donc le jeu commence. On est en bagnole. On arrive dans le bayou. devant cette maison. Voilà, j'entends que Julien est revenu. Ouais, t'arrêtes de raconter des conneries. Là. Voilà, et t'as tiré la chasse, hein, c'est bon. Je peux même pas pisser tranquille, quoi. Et voilà, ouais, mais attends, j'en train d'expliquer le pitch absolument hallucinant de Resident Evil 7. Explique-leur, vas-y. Voilà, donc on arrive dans le bayou, devant cette maison. Et ce qui est génial, c'est que dès les premières secondes de jeu, tu leur casses la gueule. T'es devant la maison et je sais pas comment ils ont réussi ça, mais dès le début, t'as peur d'y foutre un pied. Ouais, c'est clair. Non, mais il y a un travail sur les lumières et l'ambiance. Ouais, dès le début, hein. c'est énorme. D'ailleurs, t'as regardé la série Merde, comment ça, True Detective ? Saison 1, non, je sais que le début fait penser à True Detective. Pas forcément le début, mais ouais, enfin si. Ouais. Il paraît que l'ambiance. Voilà, moi, True Detective, ça fait partie de ces séries. Voilà, j'ai pas eu le temps de voir et qui sont dans ma. Tu peux regarder la saison 1, le reste tu peux oublier. Mais la saison 1, ça à voir quand même. Ça à voir, ouais. Juste préciser que nous, on l'a pas fait en VR. Parce qu'il paraît que sur en VR, on frit de la crosse cardiaque. La crise cardiaque. Bon. Et puis, on n'a pas 700 euros à foutre dans le matos aussi. Non, en fait, on n'a pas 2000 euros. Le VR, moi, je comptais me lâcher, mais finalement, mes moyens ne me l'ont pas permis. Et entre prendre le casque et tous les super jeux qui arrivent là, j'ai préféré prendre tous les super jeux qui arrivent, dont Resident Evil 7 fait partie. Et du coup, même sans VR. Je pense qu'en VR, moi, je. Waouh! Même sans VR. Moi, j'y arriverai pas, je pense. Je pense que j'y arriverai pas. Moi, c'est l'un des survival horror qui m'a fait le plus peur, quoi. Vraiment. Ah, bah, écoute. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur nos premiers pas, sans spoiler? C'est qu'on rentre dans la maison. Et même quand et on. What the fuck? Voilà. J'ai envie de te dire what the fuck, parce que. Alors même si techniquement le jeu il est pas exceptionnel, le travail mais beaucoup plus beau que prévu, franchement. Ouais non, justement j'allais venir. Ouais. Le travail de lumière, en fait moi le moment où j'ai eu peur c'est à l'extérieur. Au début du jeu tu sais avec la végétation et tout, j'avais l'impression d'être dans RE4 quoi. Exactement. Ce qui veut pas dire que c'est moche hein. RE4 est toujours plutôt joli hein, c'est pas le souci. Il a bien vieilli il a bien vieilli. Mais bon voilà, je me suis dit bon écoute on verra, mais dès que tu rentres en intérieur c'est carrément, enfin. Les lumières sont tellement dingues que des fois c'est limite photoréaliste quoi. Ah ouais. Mais je serais pas. C'est dur d'en parler sans spoiler, mais en tout cas le début du jeu, le vrai début quand tu rentres dans la maison, est un des débuts les plus incroyables qui m'était donné de jouer dans un jeu vidéo, à tel point où plusieurs fois je me suis dit mais c'est normal ça, mais pareil. Mais je vais crever, mais merde, fallait que je fasse autre chose. Et puis tu joues, et puis tu es obligé d'être assez réactif, parce qu'au début, c'est fait exprès, hein, tu es très acculé, et tu te dis, mais je suis en train de jouer à quoi, quoi. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu, quoi. Et je retrouve cet effet de surprise et de, entre guillemets, terreur que j'ai eu la première fois que j'ai joué à Resident Evil 1. Et pourtant, entre-temps, il y en a eu un. Hein, entre RE1 et RE7. Mais non, un grand bravo à Capcom, parce qu'on est quand même des joueurs aguerris, il faut le dire, et pour nous surprendre, c'est très compliqué. Et je ne pensais pas être surpris. Je ne m'attendais pas non plus à être surpris à ce point-là. Franchement, écoute, avec Kelly, on était sur le cul, quoi. Bah, le jeu, il t'assène dans sa première demi-heure, déjà 2-3 scènes cultes. C'est ouf ce qui se passe. Incroyable quoi. Enfin. Et surtout que c'est un peu, tu vois, un peu comme. En plus, c'est impossible à anticiper quoi. Tu peux pas t'attendre à ça. Et ce qui est génial, c'est que c'est un peu comme on en parlait pour The Last Guardian avec le travail du Eda de se dire par exemple, je contourne les codes du jeu vidéo habituel. Ah bah alors là, ouais, c'est carrément là, un gros coup de pied dedans quoi. Il se passe des choses où tu te dis dans un survival horror, c'est pas possible. À la limite, tu te dis qu'est-ce qui se passe c'est normal, ça a bugué, pourquoi? En fait, t'as ces effets surprises que t'avais eu. Pour moi, il y a eu deux grandes dates dans le survival horror. Il y a eu Resident Evil 1 et Silent Hill 2. À mes yeux, c'est les deux grandes dates. Vraiment, c'est les points clés, si tu veux, de l'histoire de ce style de jeu. Et on peut rajouter une troisième avec Alone avant, parce que ça a été le précurseur. Mais mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi, je te parle en tant que joueur. Pour moi, c'est deux grandes dates. Si tu veux, Alone in the Dark qui a dit, bon, bah... Oh, regardez, ça peut être pas mal. Et puis t'as Resident Evil derrière, bim, qu'enfonce le coup, bon bah c'est moi. Oui, voilà. Bien sûr. C'est passé entre les deux pour moi. Je suis d'accord. Alone in the Dark pour moi est inexistant à côté du premier Resident Evil. même s'il a eu sa part de responsabilité, une très grosse Il a eu le mérite quand même de voilà d'être là et de exactement voilà, et de montrer la voie quoi. Découvrir voilà de découvrir entre guillemets voilà. Voilà, d'ouvrir la de montrer une nouvelle techno, une nouvelle façon d'appréhender exactement le jeu vidéo quoi. Ben pour moi il y a trois dates. RE1, Silent Hill 2 pour ces surprises en fait. Silent Hill 2 c'était pareil, c'était ça a réinventé tu vois le genre et on va pas rentrer dans les détails, on va faire un podcast sur Resident Evil 2, mais Resident Evil 7 m'a fait exactement ce même effet, et je pensais pas qu'à 34 piges en 2017, voilà c'était en 2016, bah non j'ai joué quand, je sais plus, bref bon. Non il est sorti en janvier 2017. Ouais donc ouais, en c'était, 2017, c'est cette année là. je pensais pas dire ça en 2017, me dire que merde, il y a un renouveau dans ce style là, alors qu'il y a eu tellement de jeux avant, mais pourtant il utilise, ce qui est incroyable c'est qu'il utilise les mêmes armes que ses concurrents, c'est une vue subjective, basta. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est que ce qui est très intéressant en fait, c'est que comme quoi tout n'a pas encore été inventé. Hein. Il y a oui, encore voilà, plein de choses. C'est que il prend un peu partout, c'est-à-dire qu'il s'inspire effectivement de certains jeux, même parfois indés, qu'on a eu en vue subjective en jeu d'horreur, ouais. Cette vague qu'il y a eu depuis quelques années, et il le fait très bien, mais il s'approprie ces codes-là. Avec les codes des anciens Resident Evil. Et c'est ça où c'est fort, c'est que tu sais que t'es dans un Resident Evil. C'est-à-dire c'est clair. Hein. Ouais. Tu te remets vraiment à compter le nombre de balles qui te restent. T'as les énigmes à base de clés emblèmes, de statuettes. Il reprend ces codes que certains disaient désuets, tu vois. Il les a repris, il les modernise, il les injecte dans cette formule-là. Et en fait, ça fait comme un... Ah, mais c'est le Final Fantasy VII de Resident Evil, hein. Et Final Fantasy VII, tu sais que t'es dans un Final Fantasy. Chocobo, Mogul, Magie, etc. Mais tout en 3D, ça n'a plus rien à voir, etc. Blablabla. Bon, je trouve qu'il y a des analogies. Tu sais, sorte de quintessence, de concentré de ce qu'est l'esprit véritable de Resident Evil, mais décuplé pour mais tout le ça, monde. Mais c'est ça, c'est le... Et... Pardon. Et ce qui est énorme, en fait, c'est se rapproprier ces anciens codes, de balayer vraiment ce qui a été fait avec le 5 et le 6... Ouais. Qui ont toujours couru derrière R4 sans arriver à la plante des pieds, même je dirais, du génial R4. Si Resident Evil 4 était un personnage, je crois qu'il ne connaîtrait même pas l'existence d'R5 et 6. Ouais, c'est clair. C'est quoi ? C'est pas de ma génération, je sais pas ce que c'est. Et en fait, il se réapproprie ses anciens codes en y injectant des codes plus récents. Et finalement, ça fait une recette assez particulière. Et puis surtout en innovant aussi. C'est pas que prendre les codes des jeux occidentaux, c'est exactement jeux, ce que je voulais dire. Voilà. C'est pour proposer une nouvelle formule, quoi. Vraiment. Voilà. En plus de ça, ils posent leurs couilles sur la table et nous, on essaye des choses. Et ce qu'ils essayent, c'est brillant, ça marche. Non, vraiment, franchement. Parce que il y a et voilà. Et j'aimerais répondre à certaines critiques que je peux entendre sur le jeu. C'est que il y a une chose. C'est que moi, j'ai des critiques à faire, par contre. Ça aussi, c'est pas du spoil. Là, tant que j'y pense, je préfère le dire parce que après l'émission, je vais me dire merde, j'aurais dû dire ça. Donc ça aussi c'est pas un spoil, donc on arrive dans une famille de rednecks complètement tarés à la Massacre à la tronçonneuse, c'est à la colline à des yeux, la dernière maison sur la gauche, bref, c'est ouais. les Bakers, et donc ceux qui ont critiqué en fait le manque de variété du bestiaire, parce qu'au-delà de cette famille de tarés, il y a un bestiaire comme de monstres après, derrière, dans la ouais. tradition Resident Evil, ouais. qui est très limité, mais moi pour moi ça se justifie tout à fait, dans le sens où pour moi les véritables stars du jeu ce sont les Bakers, c'est-à-dire oui. que et moi ce sera ma critique, mais on en reparlera après. D'accord, moi ce sont les Bakers, c'est-à-dire que dans la première partie du jeu, ils vous traquent dans la maison. Ouais, et puis tu tapes chaque membre de la famille, enfin ça tue quoi. Voilà, ils ont chacun leur caractère, leur particularité, et chacun amène un type de gameplay différent. Certains, pour les éviter, en tout cas pour survivre, ce sera plus dans l'infiltration, pour d'autres ce sera plus le combat, pour d'autres ce sera plus la fuite, pour d'autres ce sera plus la réflexion. Ouais. C'est truffé. Je repense à plein de moments du jeu. Ah ouais, mais moi le truc de l'anniversaire, tu sais. Ah la... mais c'est génial. Alors ça, je sais pas comment on appelle ça, les escape rooms, c'est ça? Ouais. Alors en fait, il faut aussi dire que c'est truffé de bonnes idées, sans spoiler. Donc on l'a parlé du début, qui est hyper déconcertant. Il y a des idées de mise en scène. qui sont folles quoi. Notamment face au, sans spoiler, au premier affrontement que tu as à la hache. Il y a des idées de mise en scène qui te déstabilise, pour moi, c'est qui, dingue. Qui sont limites parfois, qui rappellent un peu Silent Hill. Enfin, c'est incroyable. Il prend beaucoup de Silent Hill. Ouais. Voilà, et t'as aussi comment T'as aussi, c'est ça que je voulais dire, c'est cette idée géniale des cassettes vidéo en fait qu'on ramasse dans le jeu. Ah, c'est brillant ça. Des cassettes VHS en fait qui sont. Ah, puis là, le quatrième mur il est explosé, on lui chie à la gueule direct quoi. Complètement, c'est... voilà. Donc on ramasse tout qui explose, quoi. Des VHS dans le jeu qui sont pas en plus indispensables hein, pour finir le jeu. Non. Mais c'est des séquences qu'on joue qui ont été donc filmées avant notre arrivée. On est dans la peau d'autres personnages. Et ces séquences-là, qui c'est parfois génial. Proposent un gameplay différent, en tout cas différent, une approche ouais. différente, nous aident aussi à progresser dans l'aventure principale. Ouais. C'est brillant. C'est absolument brillant. Et un autre point, voilà, une critique qui revient souvent, que j'aimerais, voilà, j'aimerais tordre le cou à cette critique, finalement, c'est on entend souvent la première partie du jeu génial, et la deuxième, bon, bof, quoi, c'est moins bon. Alors, moi, là, je suis pas tellement d'accord avec ça. Bien sûr que la première partie du jeu est la meilleure. Bon, ça c'est clair. C'est-à-dire, Mais... Je pense que les gens ont pas le chronomètre dans le cul. Hein, non, non, mais voilà, justement, j'aimerais... Parce que la maison des Baker, c'est pas la première partie, c'est les trois quarts. Hein, quand même. Alors, justement, et ça, j'aimerais préciser, c'est qu'en fait, ce qui se passe, le coup de génie, et ça, j'ai lu certaines critiques où les gens sont complètement passés à côté. Oh, le jeu, il a le cul entre deux chaises, ils savent pas où ils vont. Au début, c'est de l'ambiance, et après, c'est de l'action. Mais justement, non, pas du tout, c'est pas ça du tout. Qui est intéressant. C'est qu'on part. Je sais pas si certains ont remarqué que, en fait, c'est l'histoire de Resident Evil qui est résumée dans le jeu, en fait. C'est-à-dire qu'au début. Oui. Non, mais je suis d'accord avec ça. Au début, c'est de l'ambiance. C'est de la fuite. C'est-à-dire que dès que tu croises, ne serait-ce que. Qu'une ombre d'un des Baker, mais tu te chies dessus, tu vas te foutre en PLS dans un coin. C'est surtout qu'il te one-shot, quoi. Voilà, il y a ça. Et progressivement, en fait, le personnage, Ethan, acquiert un armement de plus en plus lourd qui renvoie... Ouais, à la fin, t'es très puissant. ...au premier Resident Evil. Et je trouve ce qui est intéressant, c'est que tu passes de proie, comme tu pouvais l'être dans certains Resident Evil, à prédateur, à la fin. À presque prédateur. À presque prédateur. Mais je trouve ouais, justement je que c'est très intéressant et c'est hyper galvanisant après en avoir chié pendant effectivement les trois quarts du jeu de reprendre un peu le contrôle du truc après et dire bon bah maintenant les gars ça va chier. J'ai trouvé ça très très intéressant et justement moi je trouve ça vraiment très pertinent d'un point de vue game design. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi en partie sur le fait de se sentir entre guillemets. Faut que j'arrête de dire entre guillemets, de se sentir prédateur. Mais ça fait partie des pirouettes, on va dire, de game design slash level design qui est assez appréciable. Ça, c'est très très bien fait, quoi. Ouais, c'est pas le seul à avoir fait ça et ça fonctionne très bien quand on le fait parce que c'est très plaisant en fait. Ça te fait lire le jeu avec les mêmes armes pour les développeurs, tu vois. Ouais, puis la personnalité des Baker, le doublage français aussi, qui est très bon. Ça fait lire le jeu d'une autre manière. Ça ajoute, ça alimente tout ça, ouais. Voilà, donc toute la partie dans la maison est brillante, et je dirais même que quand tu sors de la maison et que tu arrives, tu sais, un peu à l'extérieur, dans les jardins, etc., tout ça, c'est brillant, j'ai aucun souci, en fait, avec tout ça. Pour moi, par contre, il y a quand même un gros problème de rythme vers la fin du jeu. Et il y a des choses qu'on peut pas nier. Tu bosses dans les jeux vidéo, je bosse dans les jeux vidéo, et il y a des rajouts qui, pour nous, et pas forcément que pour des développeurs, mais il y a des trucs qui sont flagrants quand même vers la fin du jeu. Et on voit qu'ils ont tiré. Ils ont vraiment étiré, ça se voit. De toute façon, tu le sens qu'ils ont très étiré le jeu sur la fin. Et je pense particulièrement à toutes ces parties. Je vais pas dire l'univers, mais toi tu vas reconnaître pour pas spoiler, mais il y a un univers qui est plus, on va dire, industriel, artificiel. Oui, je vois ce que tu veux dire. Vers la fin du jeu, qui est, moi, à mon avis, bien deux à trois fois trop long, inutilement en plus. C'est vraiment inutile. Tu tapes des allers-retours qui ont presque pas de sens et qui ont pas trop de logique. Alors je me souviens plus pourquoi, mais quand j'en parlais avec Kylie, on s'était dit, mais c'est pas logique que les personnages fassent ça. Ça n'a aucune logique. Tout le jeu, si tu veux, était brillant avec, en termes d'écriture, les personnages faisaient des choix et avaient des réactions d'une logique implacable. Et c'est ça aussi qui est troublant au début. Et à la fin, enfin, vers la fin, dans cet univers-là, ils prennent que des décisions débiles qui n'ont pas de sens, alors que tu peux largement faire autrement. Et ça t'oblige à revenir, à faire des allers-retours sans cesse et à rejouer des scènes qui n'ont pas trop d'utilité, même, je dirais même ludique. Limite, c'est chiant, tu vois, à ce moment-là. Et Vers la fin, bon, ça, de toute façon, on le voit aussi dans les trailers, etc. Bon, vers la fin, t'as aussi une grotte. Et c'est pareil, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longue. Et pour moi, ces environnements-là sont nécessaires parce qu'ils sont excellents et il y a une sacrée ambiance parce que ça diversifie quand même pas mal les environnements. Pour moi, le problème, c'est pas le fait d'ajouter des environnements à la fin. Pour moi, le problème, c'est le timing. Et ces phases-là sont nécessaires, mais pour moi, elles sont trop longues. Pour moi, elles sont beaucoup trop longues. Et ça aurait pu être divisé, franchement, par deux ou par trois, parce que le jeu n'avait pas besoin, pour moi, d'être aussi long, entre guillemets. Quand tu sors de la maison des Baker, tu sais que tu as un boss, ouais. Bon, qui est excellent. Et franchement, il est tellement excellent que moi, je pensais même que c'était le boss de fin, à ce moment-là. Et finalement, tu te rends compte que c'est pas du tout le boss de fin. Ensuite, tu as même carrément des choix à faire, et ça change des trucs, tu vois, dans le jeu. Et apparemment, ça change même la fin. Et moi, j'étais très content à ce moment-là. Je me suis dit, putain, c'est génial, quoi. Tu arrives dans l'univers industriel. Tu dis putain ça tue, en plus c'est graphiquement mais c'est super bien fait, il y a des moments vraiment c'est troublant de photoréalisme, et puis au bout d'une heure et demie, deux heures, tu dis putain mais ça se finit quand? Moi c'est vraiment, c'est la sensation que j'ai eue quand j'ai dû refaire des allers-retours, chercher des fusibles, etc. Je me suis dit ouais là par contre c'est un peu chiant quoi, là c'est un peu chiant, et je du coup rebondis sur ce que tu disais sur le bestiaire, et c'est là où tu vois qu'il y a quand même un manque de bestiaire, parce que tu te tapes des nouveaux environnements, et c'est encore... Ouais, ils auraient peut-être pu mettre des nouveaux monstres là. Ouais. Ah, ces scènes-là, comme on se disait avec Kelly, j'ai l'impression d'être pas d'Eric, là, l'autre qui est comme disait ma femme. Colombo, pardon. D'Eric. Rien à voir. De toute façon, les deux sont si moches, donc bref. Comme on se disait, oui, ces scènes-là, ces phases-là, nous auraient peut-être pas paru aussi longues s'il n'y avait pas genre un monstre fort dans la zone industrielle. Tu vois, t'aurais mis une sorte de Lickers à la Resident Evil 2, genre qui te poursuit, ça aurait pris une toute autre ampleur et on n'aurait pas du tout ressenti cette répétitivité, parce que là, vraiment, c'est répétitif. Mais tu vois, c'est pareil, tu sais, dans la zone de grotte, au lieu de te mettre un nouveau boss, on te prend des monstres, c'est pas un spoil, ça, on s'en branle. On prend des monstres, on les grossit, on leur ajoute des HP, et puis hop, c'est bon, ça fait une phase de shoot qui est vraiment pas utile, quoi. Donc, pour moi, c'est... Comme disait Pouillot de GK, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu es dans un jeu vidéo à ce moment-là. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. À partir de ce moment-là, ça m'a vraiment sorti du truc et je me suis dit, vivement le boss de fin. Ceci parce dit, que dans Gajin Dash, je sais pas si tu as vu le dernier Gajin Dash, il a dit qu'il s'était trompé, il aurait dû mettre un point de plus quand même. Ouais, voilà. Et tout ce que je suis en train de dire, ça n'entache pas le jeu. Si tu veux, faut bien se mettre en tête que, un peu comme The Last Guardian, le jeu est tellement incroyable et exceptionnel que pour moi, ça n'entache pas. Non, parce que je répondrai à ta critique là. Voilà, c'est devenu un jeu emblématique, mais pour moi, ça sert de marqueur pour, j'espère, Resident Evil 8 aussi bien, en disant bon bah ça, ce qui a été fait là, faut pas le refaire. Ça, c'est une erreur très Capcomesque ce qu'ils ont fait. Là, tu te retrouves dans du Capcom. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout ça, c'est la patte Capcom. Le fait de remettre les mêmes ennemis, de te les mettre en plus gros pour que ça soit du boss et de rallonger artificiellement et inutilement un jeu, c'est dommage. Attention, maintenant le jeu n'est pas rallongé de 10 heures. Mais pour moi, comme pour Dragon Quest 7, entre guillemets, il y a 1h30, 2 heures de trop. Quoi. Bah, moi, en fait, pour répondre rapidement à ça, moi, c'est bien passé parce que. Bon, c'est bien passé. C'est lié aussi à l'euphorie en fait, de ces trois premiers quarts. En fait, Ils sont incroyables. Et du coup, moi, en fait, j'étais galvanisé par le fait d'avoir pris l'ascendant, en fait, tu vois, sur les menaces. Et comme cette partie dont tu parles, donc on va pas spoiler, au niveau scénario, même si ça reste du Resident Evil, donc parfois c'est complètement what the fuck, mais moi, j'aime bien, j'ai l'habitude. Et moi aussi. Moi, j'adore l'histoire de la série, parce qu'elle est aussi what the fuck, elle est très série B, le scénario est très série B, voire Z. Et c'est ça qui est... Ça permet pas mal de liberté, c'est assez rigolo. Moi, cette partie-là, elle est. Je me suis dit en y jouant, en fait, je me suis dit, oui, tiens, c'est vrai que j'ai. C'est un peu long. Mais par contre, je me suis amusé quand même. Hein. Mais je me suis vachement amusé parce que c'est pareil, vrai. Que... Mais c'est inutile. Le 5 et le 6, c'était des telles purges. Ouais, voilà. Que en fait, parce que moi, le 6, j'avais envie que ça se termine au bout des trois premières heures, quoi. Tu vois, bon. Ouais. Là, j'ai trouvé quand même que c'était le dernier tronçon, on va dire, voilà. Effectivement, il est moins brillant que le début du jeu, enfin, que même que les trois quarts du jeu. Ouais. Mais ça reste quand même pour moi dans l'eau du panier, donc c'était rigolo à faire. Ouais, bien sûr, mais tu vois, et puis t'as toujours des petits. Là, juste termine, t'as ouais. toujours quand même. Oui, il y a des petites surprises. Vers ces petits tunnels à la fin, il y a des petites idées tac tac tac qui arrivent encore, ouais, tu vois, comme ça, ouais, qui ouais, font ouais. que tu ouais, fais ah waouh, c'est bien je vu, suis d'accord. Tu vois. Non non, mais voilà. je suis complètement d'accord. Mais j'aurais largement préféré que je termine et qu'ils rajoutent une cassette. Tu sais, tu termines le jeu, bim bim bim, on te donne 3-4 cassettes bonus. Ouais. Et puis hop, c'est bon, ça rajoutait un peu de gameplay. Tu sais, ils auraient pu faire des cassettes genre vraiment hardcore avec des militaires s'ils voulaient vraiment de l'action, mais les ajouter à côté, tu vois. Oui, c'est pas bête. C'est vrai qu'ils auraient pu. Tu vois, et pas rallonger le jeu comme ça, parce que vraiment, c'est artificiel, quoi. Mais moi, au niveau des cassettes, ce que je voudrais dire aussi, c'est que moi, je suis tellement tombé vraiment amoureux du jeu que c'est la première fois. Alors, non pas que j'achète des DLC, parce que ça m'est déjà arrivé. Bon, mais c'est la première fois que je fais confiance et que je prends enfin, je me suis fait offrir, plus exactement. un season pass, en fait. C'est la première fois que, à la maison, on prend un season pass. C'est-à-dire, on dit, bon, là, on fait confiance, on met les billets sur la table et on prend le pack complet, voilà. Genre une anecdote là-dessus. Moi, j'ai déjà pris un season pass et je me suis fait baiser la gueule, donc depuis, j'en prends plus. Voilà. Alors, et là, pour l'instant, je suis très heureux puisque les premiers DLC qu'on a eus, il y en a un. Dans les cassettes, ce qu'ils appellent les cassettes interdites, il y en a une. Ouais. C'est même dommage. Moi, je suis content parce que j'ai payé pour, tu vois, donc je suis ravi. Mais elle aurait été dans le jeu. Je pense que ça aurait traumatisé autant que les premières scènes du jeu. Mais tu vois, voilà, pourquoi, au lieu de rallonger le jeu artificiellement, parce que vraiment, c'est toujours les mêmes monstres, enfin bon, c'est inutile, quoi. Pourquoi ils n'ont pas mis ça directement? Tu finis le jeu, bim, t'as la cassette interdite. C'était parfait. Parfait. Quand tu pourras, je te conseille vraiment de l'acheter, celui-là. Oui, mais c'est prévu avec Kelly, de toute voilà. façon. C'est une, en fait. Bon, on ça, a c'est, vraiment c'est, adoré le jeu. Donc. C'est pas un spoil, puisque ça a été mis dans la bande-annonce de la... voilà. C'est une séquence, en fait, où t'es dans une chambre, enfermé. Tu joues donc, je dirais pas qui, mais tu joues un personnage qui est, en fait, capturé chez les Baker. Et t'es, en fait, t'es dans une chambre, t'es prisonnier dans un lit, avec Marguerite, en fait, qui veille, entre guillemets, sur toi, qui veut te nourrir. Et en fait, à chaque fois, elle se barre de la pièce. Et toi, il faut que tu trouves un moyen de sortir de cette pièce, sauf qu'au moindre bruit, elle réplique. D'accord. Et si elle voit qu'il y a des éléments qui ont changé dans la pièce, un tableau qui a été déplacé, un vase, elle te saute dessus, elle te massacre. D'accord. Et le but, bien sûr, t'imagines, c'est que dans cette pièce, il va falloir déplacer, faire plein de trucs, plein de puzzles pour pouvoir s'en aller. Ouais. Et à chaque fois, tu fais des allers-retours entre ce que t'es en train de préparer, tu reviens dans le lit, tu te ressangles pour faire croire, genre, je suis encore prisonnier et tout. C'est totalement brillant, à l'image des trois premiers quarts du jeu. Voilà, c'est brillant de A à Z. Ça aurait pu être un jeu entier comme idée, ça. Oui, surtout qu'alors, là, je sais pas si... je vais essayer de pas spoiler parce que, bon, je me garde quand même l'idée dans la poche. J'avais une idée, moi, de jeu d'horreur dont je t'avais parlé, un concept, ouais. Et en fait, ça rejoint un petit peu cette phase-là, ouais. Le fait, tu sais, d'être traqué comme ça, enfin, d'être vraiment prisonnier d'une dingue, ouais. Voilà, et c'est vraiment brillant, et pareil, il y en a d'autres qui sont arrivés aussi entre-temps, qui sont vraiment très très intéressantes, enfin voilà, donc c'est vraiment brillant. Comment imaginer que Resident Evil serait revenu à ce point-là. Et surtout, il faut vraiment, vraiment féliciter Capcom d'avoir posé ses coronets sur la table, d'avoir pris un risque énorme, puisqu'il faut rappeler que RE5, RE6... Avoir les couilles de le faire, quoi. RE5 et RE6, c'est les deux plus gros cartons de la série, et c'est les deux plus gros cartons de Capcom. Enfin, on parle des jeux qui ont le plus cartonné dans la boîte, dans un milieu de plus en plus compétitif et de plus en plus dur. Ils ont décidé de renverser la table, comme on dit, de repartir sur totalement autre chose, au risque de fâcher tous ceux qui ont adoré le 5 et le 6, en fait. Est-ce qu'ils se sont pas dit que, franchement, quand t'as Uncharted 4 qui est passé par là, quand t'as Horizon qui va arriver, enfin, tu sais, en termes de jeu d'action... Ouais, mais regarde RE6, par rapport déjà au canon de l'époque, il était nul en termes de jeu d'action. Mais justement... Et il a cartonné pas... Ouais, mais est-ce qu'ils se sont pas dit que là, ce sera peut-être la fois de trop et qu'on n'en est pas capable? Ce qui est hallucinant, c'est qu'ils ont entendu la voix des fans de la première heure comme nous, mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont réussi à le faire. Et les premiers je pense qu'il y a un mélange de lucidité technique en interne et de couilles. Et le jeu marche bien. Il y a des deux, ouais. Ah bah oui, il y a un très bon bouche à oreille, le jeu marche bien, et j'espère qu'il va tutoyer les chiffres du 5 et du 6, parce qu'il le mérite, parce qu'au-delà d'une grande réussite... vraiment en termes de game design, ils ont aussi réussi vraiment à enfin il y a un courage C'est vraiment énorme ce qu'ils ont fait, quoi. Moi, je trouve que vraiment, là, c'est vrai que Capcom, on les critique souvent pour leur suite, pour leur exploitation vraiment très, très, très, très abusive de leur licence, etc. Mais là, il faut reconnaître quand même la prise de risque. Ouais. Pour moi, on est, historiquement, on est au niveau d'un Hero 4. C'est une grosse prise de risque, quoi. Ils ont renversé la table. Ouais, c'est ça. Ils proposent quelque chose de totalement nouveau. Et c'est totalement réussi, quoi. Vraiment. C'est vraiment fou ce qu'ils ont réussi à faire. Et c'est assez rare comme ça. Enfin, des remises en question comme ça, c'est les scènes cultes sont impressionnantes, s'enchaînent et bon, la scène du dîner, on va pas en dire plus, mais bon, elle a beaucoup tourné dans les pareil dans les trailers, tout ça. Pendant trois quarts d'heure, ça t'enchaîne des claques dans la gueule, des surprises et les Bakers qui sont vraiment pour moi les meilleurs ennemis de la franchise. Ils rejoignent les Ashford pour moi, au Panthéon des ennemis, voilà, de Resident Evil. Après, c'est vrai que t'as un petit dernier tronçon qui est très arcade, mais bon, voilà. Moi, alors que le jeu ne s'y prête pas, moi, c'est surtout mais ça. Mais moi, il m'a pas gêné plus que ça. Et puis même, le scénario, les rebondissements scénaristiques, il y a un truc qui se passe à la fin, qui, moi, j'adore, parce que vraiment, donne lieu à plein de théories, etc. Et ça, moi, j'aime bien quand on quand on se dit, attends, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui ? Parce qu'il faut rappeler que ça raccroche à un moment donné les wagons de la mythologie de la série. Et pareil, moi, je suis pas d'accord avec ceux qui ont dit que c'était fait de manière maladroite. Resident Evil, le scénario a toujours été what the fuck. Enfin, ça a toujours été maladroit. À partir du moment où t'as un Wesker qui revient tout le temps en mode Matrix, ou alors en mode je tombe dans un cratère, je revis, machin. C'est bon, tu peux tout permettre. Tout est possible. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, il ne faut pas chercher un semblant de réalisme dans le scénario de Resident Evil. Non, enfin, mais tu sais, en fait, ça, c'est antinomique, quoi. Non, mais en plus, c'est marrant parce que je reviens un peu sur le début du podcast avec mon coup de gueule. C'est très français, ça. Tu vas voir, alors, un peu, parce que je traîne beaucoup sur les forums US, tu sais, NeoGAF, tout ça, mais les gens, ils disent pas des trucs comme ça, genre, est-ce que c'est Hank, et puis est-ce que c'est gna gna gna, et puis est-ce que c'est Hank, pardon, et gna gna gna, gna gna gna, je vois pas dans les forums, dans les tests, les Américains ou les Canadiens essayer d'intellectualiser, parce que c'est ça, hein, c'est essayer d'intellectualiser. Mais il y a des jeux qui s'y prêtent très bien, tu vois. Oui, mais Resident Evil. The Last Guardian, oui. Là oui. Tu peux. Ça l'a aussi. Mais merde, Resident Evil, le scénario, il est écrit sur un rouleau de PQ. Mais même Capcom, on n'a rien à foutre et ils s'en jouent beaucoup. Non, en fait, non, ils n'en ont pas rien à foutre parce qu'ils s'en jouent. Non, mais ils en vraiment. Mais c'est le style. C'est comme si, non, tu vois. Ils en jouent. Quand je dis qu'ils en jouent, c'est qu'ils savent très bien que c'est pas du Godard, non, mais, entre guillemets. Non, mais c'est comme si, par exemple, tu regardes. Je vais vraiment prendre cette comparaison, je pense qu'elle elle est tout à fait à propos. C'est. Tu vas regarder un bon slasher américain, bien série Z, tu vois. Et voilà, mais qui est bien pas de sens, de double sens. Qui est bien réalisé. De Mylène Farmer, arrête quoi. Qui est bien réalisé, avec des bonnes idées de mise en scène de ouf. Bon, tu vas pas le comparer à l'échelle de Jacob. Mais exactement, voilà. Voilà. Mais chez nous, voilà, dans certains sites, genre Gameblock, tu vois, pas pour ne citer que, c'est oui, mais est-ce que tu crois que c'est pas si ? Est-ce que tu crois que c'est. Mais non, arrête, putain, c'est. Non, par contre, il y a des scènes en particulier où tu peux. Là, pareil, on va pas spoiler, mais au tout début. Quand tu rencontres une certaine femme, le combat du début qui a traumatisé tout le monde. Il y a des scènes, moi, il y a des ressorts qui m'ont fait penser, tu sais, à une fameuse scène de Silent Hill 2, voilà. Quand tu sais pas si tu parles à Marie ou Maria. Bien sûr. Voilà. Moi, je trouvais qu'il y avait des dans la trame principale, il y a des. On n'est pas dans la subtilité psychologique, faut arrêter. Non, un petit peu au début. Enfin. Voilà. Non, on est dans le mystère. Faut pas confondre. Mais c'est ne pas expliquer ce qui se passe. Non, puis les Bakers sont super bien écrits. Bien sûr. Mais ça reste Resident Evil, ça reste bourrin. Ça te rend bourrin. Je te parle dans le propos. Hein. Ça reste bourrin. Ça te rentre dans l'art. Ça n'a jamais été aussi gore. Là, c'est le Resident Evil le plus cradingue. Il est dégueulasse, quoi. Et moi, j'ai retrouvé parce que. C'est limite des fois même. Hein. Avant de terminer, dans un petit quart d'heure, on va recentrer sur le fait que c'est quand même un survival horror, c'est fait pour faire peur. Et moi j'ai eu peur. Depuis P.T., parce que c'est vrai que depuis P.T., ça faisait longtemps que j'avais pas eu peur comme ça. Et depuis aussi. Moi, je l'ai pas fait malheureusement. Tu parlais des jeux injustement au début, dont on ne parle pas forcément beaucoup. Bon, même si celui que je vais citer là, On en a un petit peu parlé, mais moi, j'ai limite milité sur les réseaux sociaux pour le faire, et je l'ai réussi à le faire découvrir à certaines personnes qui ne l'ont pas. Ouais, sur PS4, là. Il y a Layer of Fear, qu'il faut absolument faire. Ah non, je suis désolé, quasiment personne en a parlé, ou alors très peu, les gens n'en parlent pas. Tu l'as fait, toi, non ? Non, je ne l'ai pas fait, mais Fais-le. C'est vraiment enfin, pour moi, ça m'a quasiment autant marqué que Recette. C'est vraiment du génie à l'état pur. Mais vraiment, okay. Il faut le faire. Bon, c'est plus court, il y a moins de moyens, mais il est très très beau. Et là, par contre, t'as aucune arme, t'as pas de combat, c'est vraiment... Ouais, c'est des énigmes. C'est que de l'énigme, mais c'est brillantissime, voilà. Voilà, et donc, je sais plus où j'étais parti, du coup. Oui, la peur, voilà. Layer of Fear ça, et Pity, quand j'ai joué à ces deux-là, ça faisait longtemps que j'avais pas eu peur comme ça dans un jeu vidéo. Et Resident Evil 7, c'est pareil, il y a des moments... Pourtant, tu me connais, je suis un vieux routier du genre quand même. Hein. Mais pareil, hein. Mais moi pareil, Bruno. Il y a parfois. Parce que moi, alors par contre, je précise. C'est dur de me faire peur en plus. Hein, je précise, j'ai joué au casque dans le noir. Hein, parce que pour moi, c'est comme ça que ça s'apprécie. Hein. C'est quoi ? Moi-même pas. Hein. Ah si, si. Ah, ouais. Bon, nous, on y jouait le soir avec Kelly, c'est lumière tamisée, mais on était à deux, tu vois, devant quoi. Et ben malgré ça, j'ai eu des jumpscares. Hein. Moi, j'étais tout seul parce que Nat, elle regardait un peu, puis après, elle avait trop peur. Ouais. Moi j'étais dans le noir, volet fermé, le soir quand tout le monde dormait, le casque sur la DualShock. Secours, au secours, non. Et je jouais comme ça. Et il y a parfois, ça m'est arrivé. Non, franchement, moi je sais pas si j'aurais pu. Hein. Et moi ça m'est arrivé parfois de couper un peu, de venir voir mes notifications Twitter, Facebook. Ouais, c'est parce normal. Parce qu'il y avait un moment de tension. Mais non, j'ai dit, putain, mais c'est ouf. Et j'imagine même pas en VR, quoi. J'imagine même pas en VR. Parce qu'en fait, faut bien appuyer sur le fait qu'en termes d'ambiance... Il fait peur, putain. Il fait super peur. L'ambiance, les lumières et même de sound design. Même les sons. Ah, c'est extraordinaire. Genre quand t'as la mère Baker qui dit « Oh, tu es !» T'as l'impression qu'elle est derrière toi, quoi. Elle va te parler, quoi. C'est vraiment... T'as l'impression qu'elle est dans le salon, quoi. C'est dur. Et tu sais, il y a une partie du jeu... Bon, c'est pas trop loin dans le jeu, puisque c'est pas spoilant. Tu vas dans une sorte de sous-sol là où il y a un crématorium, merde. C'est où t'as la salle d'incinération là. C'est là, on va dire que c'est la première fois que tu vois les monstres. Vraiment. Oui, exact. Oui. Du jeu, ces petits couloirs là. Au début, écoute. À chaque fois que je devais y repasser, je sais pas si t'as fait pareil. Si tu dois repasser pas mal de fois dedans, tu vas te faire des allers-retours. Et comme dans le jeu, t'as que dalle, t'as pas de balles, etc. Mais tu retrouves des sensations que t'avais dans les tout premiers, quoi. À chaque fois que tu dois passer. Oh, mais je fais non avec en plus les sons d'humidité. Il y a un travail sur l'ambiance qui est incroyable. Dans Resident Evil 1, tu te rappelles quand tu osais même pas ouvrir une porte, tu avais peur de faire marche arrière dans un couloir. Là, en plus, tu retrouves tout ça. Mais oui, parce qu'en plus les portes, tu peux juste les pousser un petit peu. Tu sais, t'es pas obligé de les ouvrir. Et il y a des moments où je me dis putain, mais heureusement que là, je vois que je suis dans un jeu. Tu sais, tu te fais poursuivre, tu passes. Qu'il y a certains pans, il y a certaines zones quand tu les passes où il y a jamais de chargement. Mais quand tu les passes... Ça, c'est très bien fait aussi. Hein. C'est super fluide. Ouais. Les ennemis ne peuvent pas te suivre à certains endroits. Oui. Et il y a parfois, en fermant la porte... Mais tant mieux, parce que franchement... Ça aurait été trop dur. Le retour des salles de repos, t'es content de les voir. Hein. Ah ouais. Parce que franchement... Mais des fois, par contre, tu te fais baiser. Hein, parce qu'il y a des endroits où tu penses que c'est des salles de repos. Oui. Je pense particulièrement à la salle avec le billard. Oui. Tu rentres dedans, tu dis, ouf, c'est bon, il y a le père Baker qui va pas me poursuivre. Là, mais je sais que t'es là. Et là, tu vas arriver que ça... Avec sa grosse pelle, alors que toi, tu t'es mis dans une salle super exiguë où tu peux à peine passer la porte. Non, mais cette famille Baker, ils pètent les chaises, ils pètent les meubles et tout. Tu fais, mais merde, mais... Bah, moi, je suis mort. Hein. Pour moi, les Baker, tout genre confondu, ils sont un panthéon des meilleurs antagonistes de jeux maintenant, vidéo. C'est ouf, quoi. Anecdote. Et là, j'ai halluciné. Vraiment, je me suis dit, putain, mais ils ont été jusque-là. C'est incroyable de voir ça. C'est pas un spoil, parce que moi, j'aurais pu passer à côté. J'ai recommencé le jeu, ok ? Je suis pas allé jusqu'au bout, hein, mais j'ai recommencé le jeu, j'ai un flingue, d'ailleurs, qui s'appelle Wesker, je sais pas quoi. Bon, moi, quand j'aurai fini tous les DLC, je vais me refaire plusieurs runs, hein, ça c'est prévu. Oh. Et en fait, je l'ai recommencé sous les conseils d'un Gaijin Dash, encore, donc de Puyo, et il disait que, ou dans une émission, je sais plus, le père Baker, il y a plusieurs moyens, soit tu le butes, soit tu le tues pas, soit il peut tuer. Pour plein de situations, il y a plein de dénouements possibles, ouais. Voilà. Bon, bah moi, à un moment donné, j'étais dans une salle avec une trappe. C'est dans la maison, c'est au début. Et il m'a chopé, il m'a foutu à terre. Ok ? J'ai recommencé le jeu en mode difficile, je lui mettais des balles dans la gueule, ça lui faisait rien, bref. Et ben, je sais pas toi si ça t'est arrivé, mais moi, il m'a coupé la jambe. Ah oui, ça m'est arrivé plein de fois, ça. Ah bon ? Ah putain, bah écoute, moi, ça m'était pas arrivé au premier run. J'ai eu plein de situations. Et puis, il t'attend au fond de la salle avec son pied, il fait, bah viens le chercher. Ouais. et apparemment, il y a un moyen de se recoller la jambe, quoi. Oui, oui. Bah oui, parce qu'en fait... Ah non, moi, je suis mort, j'ai perdu trop de sang. Oui, voilà. En fait, si t'arrives à temps, tu récupères le pied, tu mets la lotion. Ça, d'ailleurs aussi, ça pose beaucoup de questions parce que le héros, il se soigne vachement vite. De là, ce qu'il soit pas complètement humain, bon, à voir. Ouais. Mais pareil, tu vois, le... Je pense que ça reste qu'un jeu, il faut arrêter. Un des premiers combats avec... on va essayer de pas spoiler, avec Mia, oui. Quand elle te court, c'est qu'une tronçonneuse. Bon, moi, tu vois là, dans le grenier. Ouais. Voilà, bon, tu revois la scène ou pas? Oui, oui, bien sûr, d'accord. Ouais, bah, c'est au début. Moi, je l'ai défoncé. Moi, je suis pas sûr, moi, j'ai joué en mode normal d'emblée. Je suis mort plein de fois. Ouais. Mais par contre, je l'ai buté dans cette salle. Je suis pas sorti. Et quand. Moi aussi, je l'ai buté. Hein. Voilà, et après avoir fini le jeu. Parce que pour pas me spoiler, là, j'ai pris plaisir à regarder, tu sais, les GK Live, certains YouTubeurs, bah oui, tu vois ce qu'ils ont fait, machin. Et je crois que c'est dans un GK Live, tu découvres en fait que les ennemis, ils peuvent se passer plein de situations différentes. Par exemple, là, eux, quand ils avaient fait le GK Live, ils étaient sortis de cette pièce du grenier. C'est-à-dire, Mia, elle avait la tronçonneuse. Hubert, il a flippé, tu sais, de la team Pétoche. Là. Il se barre, il ferme la porte, il se barre, il attend dans le couloir. Et tu vois, Mia, avec sa tronçonneuse, elle découpe la porte en fait. Oh, putain, et puis elle dit une phrase, tu vois, en fonction de la situation. Non mais c'est dingue, ils ont pensé à tout et c'est ça qui est dingue. Et voilà, et moi je pense que ça serait intéressant de refaire le jeu plusieurs fois pour refaire certains combats. Bah, je te dis, moi quand il me coupe la jambe, paf, t'as un pop-up c'est de tuto qui dit ouais, vite, récupère ta jambe et utilise. Mais le temps que j'arrive, en plus j'arrive et puis lui il m'a refoutu un coup de pelle dans la gueule donc j'ai même pas pu prendre ma jambe. Mais avec qui on s'est regardé, mais on s'est dit, mais putain, mais. Mais laisse tomber. Et ce qui est très fort, c'est que moi, en fait, ce passage de la trappe là, derrière la cuisine là, moi, la première fois qu'il m'a coupé le pied, je croyais que c'était obligé en fait. Et je croyais qu'en fait, et c'est ça le jeu est très fort, c'est que il brouille les codes. Tu crois qu'il faut que tu fasses ça. Ouais, et moi, la première fois, j'ai réussi à le bouillave avec des balles, en tirant vraiment super bien dans la tête à bout portant. J'ai eu un coup de chatte, il est tombé. Tu sais, il fait un bruit chelou. Et hop, il s'est cassé la gueule. Et puis, bah, du coup, Bah, moi, si tu veux, la première fois. Il s'est cassé la gueule et basta, quoi. Il me coupe le pied. J'ai putain. Alors, j'essaie d'arriver au pied. Je meurs. À chaque fois, je perdais trop de sang, tu vois. Ouais, je me suis dit, merde, c'est ça que je dois faire. Après, j'ai dit, attends, non, j'ai quand même essayé autre chose. Et moi, j'ai vraiment réussi, alors, au bout de peut-être 10 essais, à aller dans la trappe sans qu'il ait le temps de me rattraper. Tu vois ? D'accord. J'ai réussi à faire ça. Oui, moi, mon premier run, c'est ce qui s'est passé. Bon, bah, c'est à l'image de ce jeu-là, c'est qu'il y a plein de situations, tu peux t'en sortir de différentes manières. Et ça, je trouve ça génial, quoi. Le seul problème que j'ai eu, moi, c'est que j'ai eu un gros bug à un moment très important. Ah. Où j'ai dû recommencer une dizaine de fois et j'ai dit à Kelly, la prochaine fois, je réessaye, si on n'y arrive pas, j'arrête carrément le jeu. Ah tellement bon, ça m'a ça. Saoulé. C'est la première fois que tu le combats vraiment, lui. Ouais, d'accord. Tu sais quand il te pousse là. Okay. Ouais. Ah oui, d'accord. Okay. Et que t'as une tronçonneuse. Bon. Ah merde, t'as eu un bug là ? Ouais. Tu sais que. En fait, bon, voilà, c'est pas pour spoiler, mais c'est vrai que c'est un boss qui est facile. Ok ? Franchement, les doigts dans le nez, ce boss, normalement. Bah, c'est facile quand t'as compris ce que tu pouvais faire. Quoi. Voilà. Parce que si t'appuies sur L et R, tu sais, tu maintiens ta tronçonneuse. Bon, et voilà quoi. En deux secondes, tu le défonces quoi. Il suffit d'être un petit peu attentif. Voilà, bon. Écoute, est-ce que c'est ma manette ? Pourtant, elle avait toute sa batterie, ou je sais pas. Mais le fait d'appuyer sur L et R en même temps, ça ne marchait pas. Ah, par contre, moi, ça l'a pas fait à chaque fois. J'ai eu un problème là aussi, je crois. C'est un bug du jeu alors. Ouais, c'est un bug du jeu. Moi, je crois que je suis mort une fois. Je me suis mis devant, donc je fais la commande qu'ils me disent pour voilà. Et moi, il donne un coup dans le vent. Non, ça m'est arrivé une fois. Je crois que ça m'est arrivé une fois. Et moi, ça n'a pas, sans déconner, hein, j'ai eu une bonne vingtaine et du coup, ça a détruit mes stats. Bon, je pense que ça, ils vont le patcher, à mon avis. À la fin du jeu, il y a deux bugs. Donc, il y a celui-là qui a fait que ça n'a pas marché. Et en fait, j'ai redémarré le jeu. Enfin, on a réessayé le lendemain, tu vois, on s'est couché. Le lendemain, je redémarre le jeu, je joue et là, ça marche à chaque fois, quoi. Sans mise à jour, hein. Bon. Ah bon, bah c'est vraiment un bug du jeu, ouais. Y a ça, et est-ce que t'as eu le problème des couvercles de poubelles, toi ? C'est-à-dire ? Bah, tu sais, t'as des poubelles que tu peux ouvrir. Ouais, le couvercle disparaît après. Ah bah tu l'as eu, ça aussi ? Mais c'est bizarre, ça, quand même. Ah non, mais moi, pour moi, c'était normal, il disparaît. Parce que dans le jeu, tout est détaillé, tu sais, chaque truc que tu poses, il y a de la physique et tout, c'est quand même, tout est super détaillé. Ah non, pour moi, c'était établi dès le début que c'était normal, parce qu'au bout de la deuxième poubelle où ça m'a fait pareil, je me suis dit, bon, bah, c'est... Et là, t'as la poubelle qui s'ouvre et qui disparaît comme ça, alors qu'ils auraient... Enfin, pas la poubelle, le couvercle. Oui, le couvercle, alors que le couvercle, ils auraient très bien pu... Oui, non, bah ça, c'est pas un problème, c'est... Le laisser ouvert, tu vois, tout simplement, ils arrêtent l'animation, ils la stoppent pour montrer que c'est ouvert. Pourquoi le faire disparaître ? Ça n'a pas de sens, quoi. Enfin... C'est dur de ne pas spoiler, tu vois. C'est vraiment, y a, parce que même avec la grand-mère, il y a des idées de mise en scène dedans. Enfin, vraiment, c'est. Ah, qui sont folles. Moi, au début, j'osais même pas la regarder dans les yeux. La caméra, je la tournais même pas. Tu vois, j'ai. Ouais. C'est hallucinant. Et puis les boss sont brillants, quoi. Faut le dire. Hein. Là. Non, mais tout est brillant. Et le dernier boss, pareil, qui a été critiqué par tout le monde, parce que j'ai l'impression que maintenant, c'est une règle établie. À la fin d'un jeu, il faut que le boss, il dure 3 heures, qu'il soit détaillé. Moi, j'ai aimé que le dernier boss soit super simple. Ouais. Parce que c'est la délivrance. Moi, j'étais content. J'étais content. Ouais. Franchement. Non, le dernier boss, alors c'est grandiloquent, hein, c'est what the fuck, mais. Oui, mais c'est bien. Mais non, moi, j'ai Je pense qu'il faut que certains journalistes arrêtent. D'avoir l'impression de détenir en eux les tablettes des règles d'or de game design. Il faut qu'ils arrêtent. Ouais, parce que un dernier boss n'est pas obligé. Enfin, c'est pas obligatoire que dernier boss ait 10 phases qui soient hyper complexes. Non, dans le jeu, exactement. On rencontre des boss qui, franchement, moi, et là, je sais même pas comment ils ont fait. C'est énormissime. Je sais pas toi, mais en mode normal, chaque boss, je terminais, je le tuais avec ma dernière munition. Ah ouais, et d'ailleurs... C'est hyper bien réglé. Grosse anecdote, pour moi, le meilleur boss du jeu, donc c'est la... Merde, Clémentine. Non, comment elle s'appelle Clémentine. Géraldine, là, je sais pas quoi. La femme, là, la folle. Marguerite. Putain. Oh putain, ouais. Gwendoline, là, je sais pas ce que j'ai dit. Ouais, ouais donc. Pour moi, c'est le meilleur boss du jeu, c'est elle. c'est elle en termes de design, déjà. Elle est géniale. Et puis, en termes de... Ils sont tous géniaux pour moi. De peur, entre guillemets, ce boss, il est terrifiant. En VR, j'imagine même pas. Vraiment, il est terrifiant, parce qu'en plus, c'est un peu dans la pénombre quand tu la combats. Et écoute, j'étais en mode normal. Hein. J'avais deux flingues, parce qu'on a acheté un deuxième flingue. Peut-être ça, avec les cages à oiseaux, là. Ouais. On avait deux flingues. On avait le pompe. On avait le lance-grenade. Puis bon, bah, un couteau, quoi. On était blindés. Mais vraiment blindé, hein, en munitions. Hein. Je suis mort quelques fois, tu vois, pour la buter. Quand j'ai gagné... et le lance-flamme, t'as le lance-flamme aussi, à ce moment-là. Et le lance-flamme. Écoute, j'étais en mode normal, j'ai tout utilisé, il me restait que le flingue pourri. Avec Ellie, on s'est dit, putain, mais c'est pas possible. On se posait même la question, mais est-ce qu'il y a pas, genre, c'est un truc à faire, genre pousser un truc dans sa gueule ou... on a loupé un truc, c'est pas possible. Écoute, on était avec le flingue, je te jure, c'est pas des conneries. Hein. Il me restait qu'une balle. Je tire une balle. J'en tire qu'une. Hein. La dernière. Je lui fous dans la gueule. En plus, putain, gros coup de chat. Je lui mets dans la tronche. Elle est morte. On s'est regardé, on s'est dit. Non, mais. Et non, mais c'est incroyable. C'est le Dragon Quest. Exactement. Du Survivor Horror. Exactement pareil chez moi. Et j'ai lu pas mal de témoignages là-dessus. Le réglage du jeu est vraiment. C'est exemplaire. C'est exemplaire. C'est au papier millimétré. Et j'ai retrouvé cette sensation. Que j'ai dans Dragon Quest. C'est la survie, quoi, vraiment. Voilà, où tu penses que t'es fort, t'arrives devant un boss, le combat, il est éprouvant, tu lui balances tout dans la gueule, t'es à l'herbe, t'as la fiole d'eau magique, tu sais, qui redonne des MP, t'as la fiole prêt, aussi, il te reste qu'un perso, il a genre 10 points de vie, alors que le boss, quand il te tape, il te balance 40 dans la tronche, tu lui donnes le dernier coup d'épée de désespoir, il meurt. Mais c'est ça qui est hallucinant dans les recettes, c'est que moi, à vraiment énormément de combats de boss, je terminais, il me restait zéro balle, j'étais, zéro de vie, j'avais l'énergie, dans, parce qu'on retrouve l'électrocardiogramme mythique de la série, ouais. J'étais dans le rouge, j'avais plus rien, j'avais plus de soins, je me retrouvais vraiment à poil. L'équilibrage, quoi. Il est exemplaire. Et voilà, l'équilibrage, il est exemplaire. Hallucinant. Et tu sens qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de phases de playtest. Hein. Ah oui, oui. Parce que chaque petit paquet de balles, chaque herbe, chaque fluide chimique pour en combiner, tout est placé au poil de cul. Mais c'est vraiment blindé. C'est ni trop ni pas assez, quoi. Et voilà, et franchement, je pense qu'il faut arrêter, quand je vois certaines critiques, vraiment, on est un peuple de pisse vinaigre, hein, c'est hallucinant. C'est que vraiment, le jeu est génial. Les Français, c'est des cons. Le jeu est vraiment génial. Alors, arrêtez de croire que vous avez les règles les règles absolues de ce que doit être un bon jeu. Il est vraiment exceptionnel. Moi, personnellement, c'est un jeu vraiment qui restera dans l'histoire. Vraiment. Oui, mais même pas personnellement. Enfin, tout le monde s'accorde à la tierre. Il est exceptionnel, ce Resident Evil 7. Il faut bien se mettre une chose en tête. Je pense qu'il y a pas mal de journalistes qui devraient lire L'Art du Game Design, qui est un très bon livre de référence pour ceux qui s'intéressent au game design. Et dedans, il y a une phrase qui est limpide, qui est facilement compréhensible et qui est qui est tellement vrai. Et je pense que c'est dommage qu'on ait besoin d'un livre et que quelqu'un d'autre le dise pour que certaines personnes... Et c'est un ouvrage de référence. Hein, voilà, ah préciser, oui, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas besoin de lire le bouquin pour savoir ça. Pour moi, c'est... Enfin, pas pour moi, et pour beaucoup de game designers dans le métier, c'est une évidence. Il n'y a pas de règle prédéfinie en game design. S'il y avait une règle établie en game design pour faire un bon jeu, tout le monde serait riche. Est-ce que c'est clair, hein? Il n'y a pas de règle en game design. Non, mais surtout que ce sont ces mêmes, parfois critiques, qui vont dire « Ah, ce jeu-là, j'ai adoré parce qu'il détourne les codes ». Tu vois ? Donc en fait, c'est, oui en plus, c'est... oui c'est vrai. Voilà. Donc, en fait, moi je pense qu'il n'y a pas de règle. Il y a pas, enfin, il y a évidemment des choses à respecter, des choses à ne pas faire. Non mais enfin, après c'est de la bonne exécution. Voilà, c'est des évidences de design. Mais il n'y a pas de règle établie en game design. Comme il n'y a pas de règle établie pour faire. Il n'y a pas de règle. Il y a du game design bien fait. Il y a du game design mal fait. Il y a pas de règle. Après c'est une question d'équilibre, de réglage. Et de choix. Et de choix. Et d'exécution. Exactement. Et de talent, tout simplement. Mais après, moi vraiment, je trouve que bon là après de toute façon, on va arrêter la première partie, mais ouais. Ça paraît, ça pourrait être un autre débat. C'est que ça m'insupporte de voir des gens qui se font une idée préconçue ou qui vont réfléchir à la place du designer en se disant ah oui bah là t'as vu, il a lu entre deux chaises, il savait pas où il allait. Non, s'il a mis ces deux ambiances, c'est justement, c'est fait exprès. Il savait bien où il allait. Bien sûr. Et puis voilà, je veux dire, à un moment donné, peut pas être parfait, mais voilà. Il faut arrêter. De toute façon, regarde, moi, comme je l'ai dit, The Last Guardian, encore aujourd'hui, et pourtant Dieu sait que là, on a des jeux, qui me donnent un plaisir et à tout le monde, fou, dingue, et on va passer à Zelda dans 3 minutes. Pour moi, pour l'instant, le jeu de la gêne. Ça reste The Last Guardian, c'est un jeu qui est buggé, qui rame, donc la perfection n'existe pas. Après, la perfection, c'est l'idée que tu t'en fais et c'est l'expérience que tu as. Si toi, une expérience t'a paru parfaite en termes de comme jeu, Witness, en termes d'émotion, comme The Witness for moi, par exemple. Voilà, mais je trouve que vraiment, on a un. C'est un jeu, ça peut être une purge pour certains et pour voilà, moi. Voilà, après, on est tous différents, on réagit tous différemment, on a des attentes différentes. Ouais. Moi, je trouve que ce début d'année. Et historique, ouais, vraiment, parce que là, on enchaîne quand même le RE7, le Zelda, le Persona 5 chez nous, Nier Automata qui s'annonce voilà, aussi exceptionnel que prévu. Voilà. Et donc là, bah, je pense qu'on a fini avec RE7. On va passer, après un petit jingle voilà, que je mettrai... Bah, Zelda, c'est surtout toi qui vas en parler, parce oui, que moi, mais j'ai c'est, pas la ça chance va être de pouvoir y jouer. Voilà, toi, tu n'y as pas encore joué, mais ça va être intéressant d'en parler, puisque comme Resident Evil 7, on va essayer de pas spoiler du tout. Mais c'est ouais, Zelda, d'ailleurs, avant que t'en parles, je vais mettre les choses au clair dès le départ, avant que t'en parles. D'accord, ok, pas de souci. Non, sur le fait que, effectivement, donc, comme pour Resident Evil 7, on a essayé de pas spoiler. Après, on est obligé de parler de certaines choses, quand même, de certains détails du jeu. Pour pouvoir, oui, mais si toi tu laissais déjà alors que t'as pas le jeu, c'est voilà. Pas du spoil. C'est ça. Voilà. A contrario, moi je vis très mal le fait de pas pouvoir jouer à Zelda. Alors il s'avère que c'est une période un peu compliquée. On a beaucoup investi dans la société pour les jeux qui arrivent là. Ça ira très mieux. Ça ira mieux très bientôt. Mais là on est dans une période compliquée financièrement où chaque euro compte. Et moi aussi sur le plan personnel, et ça tombe au moment où il y a ma série préférée, donc avec les Dragon Quest, le nouvel épisode qui sort, ce qui fait que n'ayant pas de Wii U, oui j'ai fait un jeu Wii U mais j'ai pas de Wii U, c'est comme ça, n'ayant pas de Wii U je peux pas y jouer sur Wii U, et n'ayant pas les moyens de me prendre une Switch avec Zelda, pour l'instant je ne peux pas y jouer. Bon, c'est une très grande frustration pour moi, alors certains vont trouver ça exagéré, mais je le vis vraiment très mal. J'y pense tous les jours, vraiment, ça, je le vis très très mal sur le plan émotionnel et personnel, parce qu'il faut bien comprendre que Zelda, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de ma personnalité et de mes passions, et c'est en partie à cause ou grâce, j'en sais rien, de Zelda et de certains autres jeux comme Shadow of the Beast que je fais actuellement ce métier. Donc je le vis comme le fait de ne pas pouvoir être un membre de ma famille. Vraiment, pour moi, c'est très difficile. Alors, si ça peut te rassurer... Jouer à Zelda. Alors, attends, je vais finir. Oui, vas-y, excuse-moi, vas-y. C'est aussi pour ça qu'en dehors de l'aspect professionnel, je ne suis pas vraiment disponible sur les réseaux sociaux. Que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, je m'en sers principalement déjà d'ordre général, quoi, même sur le plan personnel, je m'en sers surtout pour le boulot, parce que ça a tendance à rapidement gonfler les réseaux sociaux. Mais là, actuellement, je les évite le plus possible. Je ne regarde aucune vidéo du Zelda. Ça, t'as raison. Je ne regarde aucun screenshot que des potes postent sur Facebook ou sur Twitter. Donc, dès que je vois un morceau de cul ou d'oreille de Link, je scroll direct le plus vite possible, parce que pour moi, c'est une très grande frustration. Et vraiment, vraiment, je le vis très mal. Donc, vous pouvez vous rassurer, il n'y aura pas de spoil dans la deuxième partie, c'est sûr et certain. Je risque de poser des questions, même si, bon, je connais déjà les réponses. Je risque de poser quelques questions quand même. Après, mais, pas forcément, parce que, le sujet est tellement vaste. Je te laisse terminer. Ouais. Donc, rassurez-vous, pour ceux qui n'ont pas le jeu, il n'y aura pas de spoil. Ce sera peut-être un peu frustrant pour les auditeurs qui ont le jeu et qui veulent absolument qu'on en parle. Ce sera pas frustrant. Et puis, t'as vu ça? Non, ce sera pas frustrant. Parce que moi, j'ai pas pu y jouer et je ne regarde plus aucune vidéo. Donc, ce sera pas frustrant parce que ce qui serait bien, ce serait vraiment d'aborder le sujet justement sur le terrain du game design. Et pour rejoindre la thématique de cette émission, sur le fait qu'ils ont intégré des codes, mais pour les digérer et les reformuler d'une façon différente, ça va être très intéressant. Et juste avant qu'on attaque, pour te rassurer, tu vois le Zelda là, ouais. J'ai un emploi du temps très chargé aussi, donc dès que j'ai une petite heure, j'y joue. J'ai pas encore trouvé de compteur d'heures dans le jeu, alors j'ai l'impression qu'il y en a pas, grosso merdo, mais il y en a jamais dans les Zelda, je crois. Ouais, il y en aura peut-être un à la fin du jeu. Si je rassemble, le dis à la fin, ouais. Voilà, si je rassemble toutes mes sessions, je pense vraiment que je dois être à 15 heures, hein, à mon avis, hein, dans 15-20 heures dans ces eaux-là. J'ai l'impression vraiment d'avoir fait 2%, quoi. C'est pas une impression, c'est. Non, mais apparemment, c'est limite le Zelda le plus long, hein, d'après ce que. Non, c'est pas limite. Justement, on va en parler. Ouais. C'est le Zelda le plus long jamais créé. Et c'est pour ça que je te disais, pour conclure, avant qu'on attaque vraiment la partie Zelda, c'est que console-toi en te disant que même si tu l'aurais maintenant, tu serais à 0,5% du jeu. Zelda, moi j'ai l'impression qu'il va me falloir 6-7 mois pour voir tout ce que je vais voir dedans. Ouais, je sais bien. C'est un jeu qui se fait vraiment sur la longueur, vraiment. Hein. Oui, non, mais ça, je. À moins de pas avoir de vie. De se lever à 6h et de jouer jusqu'à minuit tous les jours, tu vois. J'en doute pas de ça, hein, mais c'est juste que c'est dur, quoi. C'est le nouveau Zelda, je peux pas y jouer. Et de toute ma vie, ça m'est jamais arrivé. Souviens-toi que je suis quand même le genre de personne qui prenait des jours de congé, qui faisait semblant d'être malade au taf pour pas aller bosser quand il y avait un nouveau Zelda, quoi. Oui. Moi, c'est à ce point-là, tu vois. Je suis prêt à mettre ma vie professionnelle en péril, tu vois. Mais là, juste. Surtout celui-là, c'est vraiment le. Et là, faut que ça tombe sur l'épisode du renouveau. Ouais. Faut que ça tombe dans toute ma vie, sur 34 ans. Faut que ça tombe sur cet épisode-là où je peux pas y jouer au Day One. Dis-toi justement que quand certains problèmes seront passés et que tu pourras y jouer, le plaisir sera d'autant plus grand. Bon, parfois. Putain, téléchargez Gun of Mercy, là, les auditeurs. En masse, que je puisse me prendre une Wii U. Mais en revendant plein de matos, tu peux pas essayer de. Non, parce que tout a décoté. Et d'ailleurs, ouais, tiens, anecdote, hein. J'ai amené ma PS3 avec 18 jeux plus des jeux Wii. Des jeux Wii auxquels je joue pas, pour te dire. Hein. Ça fait carrément un sac de sport de matos. Ça fait même pas le prix de la Switch. Oh putain. Parce que c'est ça les reprises en magasin, c'est ça. Ouais. Ça vaut rien. J'ai une PS4, PS3, 120 gigas. Le mec, il me la reprend 50 balles. Alors que ça fait partie des magasins qui la reprend le plus. Hein. C'est un mec que je connais, il me fait des prix. Il arrondit tout au max, tu vois. Mais il dit c'est pas possible. Enfin, les jeux vidéo, faut bien se mettre en tête. En plus, moi, pourtant, je suis bien passé pour le savoir. J'ai bossé à Micromania pendant 6 ans, tu vois. Mais c'est pire maintenant. C'est encore pire. Il me disait les jeux, ça vaut plus rien. Ça sert à rien de revendre. Le marché de l'occasion est HS. Enfin maintenant, pour acheter un jeu, faut en vendre 15, c'est fini quoi. Mais c'est pareil, c'est Resident Evil 7. Moi j'ai revendu des jeux, tu vois, pour l'acheter. Mais oui, ça tu m'avais dit. J'ai revendu 10 jeux quoi, tu vois. Enfin c'est. Et surtout, ce qui est compliqué, c'est que pour Zelda, c'est que la version Wii U, j'ai commencé, tu vois, à voir qu'ils allaient vraiment la mettre de côté en fait au niveau communication. Ouais, il y a très peu d'exemples. J'ai précommandé tout de suite sur Amazon et Dieu que j'ai bien fait parce que. Elle est très très dure à trouver et même maintenant un peu comme Twilight Princess, hein, c'est, voilà, c'est même. Et maintenant tu la trouves genre à 80-90 euros. Moi, elle m'est revenue à 50 euros. Ouais. Je suis vraiment content et à mon avis ça va être une pièce rare, surtout qu'on en reparlera. Et ça, faut surtout pas, pardon, que j'oublie d'en parler. C'est qu'en fait les deux versions, c'est à 99%, c'est les mêmes. Donc ouais. Voilà. Bah écoute, de toute façon, on va passer à. Je vais mettre un petit jingle, un petit son de Zelda justement, yep. Breath of the Wild que j'aime bien, et on se retrouve après pour en parler. On va continuer cette émission avec la deuxième partie que l'on va consacrer à Zelda Breath of the Wild. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, mais bon, voilà, bref. Alors, je reprécise à nouveau que... Donc, moi, je suis en train de le faire. J'ai pas vu le compteur d'heures, donc comme je disais, mais à mon avis, là, à l'heure où on enregistre, je dois facilement avoir mes 30 heures. Apparemment, il est très long. Hein. Ouais, et je pense sincèrement que j'ai dû voir... un quart de ce qui est possible de voir. Et encore, même ceux qui l'ont fini soi-disant à 100%, y a des nouvelles choses qui sont découvertes tous les jours sur le jeu. J'ai l'impression qu'il y a l'effet Skyrim qui est en train de s'établir. Alors j'ai aussi l'impression qu'il est plus grand que Skyrim. Bon, moi, je cite, j'ai pas le jeu et je veux surtout même pas en entendre parler. Pas de spoil, pas de rien. Donc... Voilà, donc c'est ça, c'est que j'allais préciser. Ouais, pour ceux qui n'ont pas le jeu, voilà, donc, c'est pas très grave. Quoi. Comme on l'a promis dans l'intitulé de l'émission, il n'y a pas de spoil. Zéro spoil. Zéro ouais. Spoil, parce que moi, personnellement, je ne regarde plus mon fil d'actu Twitter et Facebook, puisqu'il y a quand même des gros bâtards qui balancent des spoils tout le temps. Sur ouais. Zelda, moi c'est vrai qu'au début je reconnais, je faisais des screens je faisais des petites vidéos, mais c'était vraiment dans les premières zones et à chaque fois je m'arrangeais. Ouais, mais tu vois, même ça, moi ça m'a saoulé, hein. Je te le dis tout de suite. Oui, oui, même non, moi mais... j'ai même pas regardé parce que je fais, mais putain, c'est pas vrai, il poste un screen toutes les 5 minutes. Non, non, bien pas sûr. Seul. Donc même la zone de tuto, même la couleur de l'épée, non, non, mais je m'en suis rendu compte aussi, même si contrairement à certains, je précise que je faisais exprès d'être dans des zones neutres. C'est-à-dire ouais, avec ouais. de la verdure autour, pas, tu vois, un temple ou un sanctuaire ou un... Ou, que sais-je, tu vois, un moment... Contrairement à certains ou... Un moment clé, tu vois, voilà. J'ai fait me faire spoiler des trucs... Voilà, voilà. Donc, mais même ça, je me suis aperçu que c'était trop. Et donc, j'ai arrêté. Donc, moi, c'est vrai que j'ai posté des premiers screens, donc là-dessus, je fais mon mea culpa. Mais j'ai jamais posté des trucs. Certains postent carrément des gros boss, des phases de donjons, etc. Des phases scénaristiques. Moi, voilà. Je le dis, hein, franchement, c'est des putains de fils de pute. Faut pas faire ça, putain. Sérieux, c'est comme spoiler un film. C'est comme faire la queue au cinéma. Et t'entends le mec qui dit, c'est la deuxième fois que je le vois. Et attention, spoiler alerte. Mais bon, là, ça fait quand même plus d'un an. Et Han Solo, il meurt dans l'épisode 7, quoi. Tu vois, c'est et moi je me suis fait spoiler comme ça, tu vois. Moi ça me rappelle ce fameux épisode des Simpsons où un des épisodes qui te raconte comment quand Marge et Homer sortaient quand ils étaient jeunes mariés ou pas mariés d'ailleurs, je me souviens plus dans cet épisode, et qui sortent en fait d'un Star Wars et ils sortent du ah, film. Oui. Tu te rappelles celui-là ? Oui, oui, c'est bonjour. Il passe à côté de la file d'attente qui attend pour la séance. Ah, oh, bah dis ouais. donc, si j'avais cru que Dark Vador était le père de Luke, quelle surprise ! Il y a tout le monde qui est en train de hurler dans la file et tout. Et je crois que c'est le meilleur gag que j'ai vu sur un spoiler. Ouais, c'est clair. Enfin, bref. Donc, du coup, et ben, ça, c'est à l'appel, quoi, sur le net. Putain, on va pas vous spoiler parce que. Ce qui prouve quand même que la nature humaine est mauvaise. Hein. Enfin, ouais. On va avancer, on va parler du jeu. Et donc, ce qu'on va ouais. faire, c'est que toi, tu n'as pas fait le jeu, tu peux pas encore le faire. Et donc, on va pas spoiler, vraiment aucun spoil. On va juste, je pense, parler de considération de game design et de level design et de ce qu'a fait Nintendo. Parce que franchement, mais quelle année 2017 ouais. Quelle année 2017 Pour moi, on est d'ores et déjà dans une année historique en termes de jeux vidéo. Zelda... Et Dieu sait qu'on a été très très dur avec Zelda. Moi, je sais que les derniers épisodes 3D me rendaient vraiment me désespéraient. Ouais, là, c'est le dernier épisode en date. Ça a été dur. Nous, concrètement, pour résumer, pour ceux qui n'auraient pas écouté les dernières émissions, enfin celles, tout du moins, on abordait le sujet Zelda. Le dernier Zelda en date qui nous avait énormément plu, c'était Between Worlds, donc qui est la suite. Au Japon, hein, qu'on appelle le Link to the Past 2, ouais. qui est donc sur 3DS. Et puis après, moi, pour repartir sur vraiment les Zelda qui m'avaient enchanté, on va toujours parler des mêmes épisodes, hein, c'est-à-dire A Link to the Past, A Link's Awakening, on va parler d'Ocarina, etc. Mais là, C'est vrai que ces derniers temps, la série était devenue trop bavarde, les tutos avaient pris une place qui était vraiment mais incompréhensible, ouais. La notion d'aventure, d'exploration, ça menuisait d'épisode en épisode, on retrouvait toujours... on retrouvait les mêmes structures, même si sur Skyward, ils avaient essayé de changer un petit peu. Mais non, bon, bah, c'était tellement non, bavard, c'était, on c'est prenait pareil. Tellement par c'est, la main, c'était... C'était le même système, mais déguisé. On était dans des tunnels. Le Skyward Sword, pour moi, c'est un échec en tant que Zelda, mais c'est un échec aussi en tant que... Alors, pas en tant que level design, mais en tant que game design. Faut bien marquer la nuance. C'est-à-dire que le level design, il est quand même exceptionnel. C'est-à-dire qu'il était très inventif. Dans les zones que tu parcourais, tu avais plein d'idées de gameplay qui étaient vraiment très bonnes. Par contre, le cheminement et les boucles de gameplay... Oui, la colonne vertébrale, la structure du jeu... Ouais, tu te la prenais en plein dans la gueule. C'est... Ok, t'as... Au début, t'as une quête pour avoir un item, pour débloquer un truc, pour faire le truc avec les grappes de raisin, là, je sais pas quoi, que tu as découvert dans, chez les mondes des fantômes, et pour ensuite te taper le donjon. Et hop, tu recommences. Enfin, dans des zones ultra fermées, quoi. Moi, Ocarina du Ciel, c'était une vaste blague aussi. Ocarina of Time, à l'époque, a été vraiment une révolution, comme l'a été Mario 64. On va pas revenir là-dessus. Même si moi, je déplorais déjà à l'époque, j'avais même fait une vidéo dessus, où le côté... Moi, ce que j'ai toujours préféré, et c'est pour ça que j'ai eu un peu un désintérêt de la saga ces dernières années, ce que j'ai toujours préféré, moi, ce qui m'avait vraiment mais captivé dans Link to the Past, par exemple, tu vois, c'est le côté exploration, c'est-à-dire partir à l'aventure, ouais. Explorer. Moi, comme Zelda 1, comme Zelda voilà, 2, comme Zelda 3. Ce qui me déplaisait dans les derniers Zelda, c'est que c'était très souvent centré autour des donjons, ouais. qui était vraiment l'épicentre, en fait, de l'expérience. C'était donjon centriste, quoi. Voilà, et c'est ça, dans Ocarina of Time, qui m'avait dérangé. C'est dans Ocarina of Time, au-delà de la magie qu'il amenait, le fait que tout tourne autour des donjons et que le fait que le côté exploration des terres d'Hyrule soit en recul... Moi, encore, je trouve que l'équilibre était à peu près bien dans Ocarina of Time. Alors, pour moi, non. Bah, tu sais que bon, là-dessus, on a un avis divergent. Parce que pour moi, c'est une plaine d'Hyrule. Voilà, c'est un préau avec des chemins autour et puis qui amène à des zones mais plus fermes. Ils sont quand même grands, quoi. Bon, ça, après, il y a les limitations techniques de l'époque. Voilà, bon. Ouais, juste ce que je veux dire, c'est que... C'est pour ça qu'il y a eu Majora. Hein. Voilà. Et à l'époque, avant que Ocarina of Time sorte, je ne sais pas si tu te souviens de ces screens qui nous aient vachement rêvé de la version bêta où tu voyais Link dans la forêt. Ouais. Voilà. donc ça c'est une zone comme ça qu'on n'a pas retrouvée dans le jeu final. Ils ont dû couper. Enfin, ça c'est une notoriété publique. Hein. Ils ont dû couper énormément de zones faute de place dans Ocarina. Et si tu te souviens, ces screens de la version bêta où à l'époque il s'appelait déjà que Zelda 64. Le fait de s'imaginer en 3D, d'explorer une forêt de Zelda, ça envoyait vraiment du rêve quoi. Bon. Breath of the Wild, il va au-delà. Et au-delà, et encore au-delà, des plus grands fantasmes que suscitaient ces screens. Je vais vous dire, avant de détailler un peu mon avis en termes de... Alors, sans spoiler toujours, hein, de game design, et avant que tu me poses des questions, qu'on en discute, c'est le jeu de la génération avec The Last Guardian. The Last Guardian et pour moi Breath of the Wild, pour l'instant, ce sont les deux jeux de la génération. Ouais. Vraiment, je ne m'attendais pas à re-kiffer un Zelda, à me prendre d'amour pour un Zelda à ce point-là, et je vais même le dire, c'est devenu mon Zelda préféré. Et ça, je ne m'y attendais pas, puisque toi tu le sais, et ceux qui me suivent un peu... plus que Link to the Past. Savent l'amour inconditionnel que j'ai pour Link to the Past, mais Breath of the Wild est meilleur. Ouais. Et ça, si je m'attendais à dire ça un jour... là, Breath of the Wild, je pourrais y passer. Imagine, je serais célibataire au chômage. Je crois que j'y jouerais 23 heures sur 24. Ouais. C'est quand t'es dedans. Moi, c'est ce que. Il n'y a que la fatigue et le mal de crâne qui te fait arrêter. Parce que. C'est ce que je redoutais. Enfin, alors attention, redoutais. Moi, sur le plan personnel, c'est ce que je redoutais en fait. Moi, c'est super égoïste, mais vu que financièrement c'est un peu la galère en ce moment, moi je m'étais dit, j'espère qu'ils vont dire que c'est un bon Zelda, tu vois. Mais sans plus, histoire de. Mais que bon, c'est de mieux consoler, vois, de consoler de pas l'avoir tout de suite. Quoi, voilà, c'est mieux que Skyward, mais comme ça, voilà, c'est. Mais bon, voilà, c'est pas, peut-être pas la promesse espérée, basta quoi. Et à la limite, j'aurais vachement mieux digéré la pilule. Ouais, sauf que là, c'est l'épisode de la Renaissance quoi. Et okay. Moi, même moi, en tant que spectateur de la Renaissance de la série, je m'attendais pas à ce que ça soit le deuxième meilleur jeu noté sur Metacritic et que ça soit pour tout le monde genre le meilleur jeu d'aventure limite jamais créé quoi. Je m'attendais pas à entendre ça sur un jeu qui tout le monde disait oui mais techniquement oui mais c'est quand même pas terrible, c'est beau mais bon voilà c'est quand même à la rue etc. Comme quoi tu vois le game design c'est tout hein. Ouais et puis le jeu sincèrement moi je le trouve joli, les screens que j'ai vus artistiquement c'est beau, techniquement c'est bon, c'est un peu bidon, juste pour balayer la partie technique parce que sinon on va faire 2 heures sur le jeu, parce que je pense qu'on pourrait en parler 4 heures d'affilée, même sans spoiler. Hein. La partie technique, c'est que contrairement, donc je le répète encore, il me semble que je l'ai dit il y a quelques minutes dans l'émission, mais bref, dans le doute, on se fait vieux. Hein. Je répète encore, c'est que les comparos que vous avez vus sur la version donc Switch Wii U avant la sortie du jeu, ça vaut pot de zob, puisque alors je sais pas si c'est l'effet patch, parce que quand tu l'achètes, parce que moi, bon, je le répète, j'y joue sur Wii U, t'as un patch au début. Si, apparemment, le patch corrige beaucoup. À télécharger. Il y a Digital Foundry qui est vraiment le site de référence des analyses techniques de jeux sur YouTube. Enfin, toute la presse mondiale se réfère à eux. Hein. Enfin, je veux dire, sont vraiment les professionnels. Allez voir sur leur chaîne YouTube, ils font un comparo version Switch Wii U. Ce sont les mêmes, à part un endroit ou deux qui va peut-être ramouiller un petit peu plus sur Wii U. En fait, sur Wii U, c'est surtout dans les villages. Mais ça ramouille aussi sur Switch, hein, là-dessus. Ouais. Ça ramouille un peu. Moi, franchement, à 99% du temps, c'est fluide. Ça tourne bien. Et t'as des panoramas. En fait, techniquement, bon, la direction artistique est complètement oufissime. Hein. Ouais, c'est un condensé de ce qu'a fait de mieux Zelda depuis sa création. Et surtout... il y a des effets de lumière. Oui, apparemment, la lumière, la pluie, la météo. Voilà, la météo, c'est exceptionnel. Et parfois, très souvent, tu es devant des panoramas, ou même si tu n'as pas la tech, tu vois, d'un Witcher 3 ou d'un Horizon, tu es bouche bée, tu as envie de faire des screenshots. C'est magnifique. Donc, le jeu est très, très beau. Et techniquement, c'est vraiment kiff-kiff, donc sur les deux machines. Voilà. Et donc, du coup, ce que je voulais te dire aussi, c'est que, pour te consoler un petit peu là-dessus, c'est que Zelda, moi je sais que c'est un jeu, parce que là j'ai arrêté tous les autres jeux en fait pour y jouer, mais c'est un jeu, je pense, que tu vois, tu peux faire même en parallèle, c'est pas un jeu qu'il faut rusher, pas du tout, parce que... je rush pas les jeux. Voilà, je n'ai jamais senti, depuis que je suis joueur, un tel souffle épique au niveau de l'exploration. C'est-à-dire que t'es happé par l'exploration et qu'en plus, moi, c'est ce que je préférais dans les Zelda, dans les Zelda avant. Donc, tu vois, pour moi, c'est vraiment l'épisode ultime. C'est que c'est le premier jeu où l'exploration, pour moi, te donne autant de plaisir. Et surtout, c'est pour ça qu'en fait, c'est un jeu qu'il ne faut pas rusher en se disant « Tiens, je vais aller à la fin maintenant et c'est fini. » Non. C'est un jeu qui va se faire sur le long terme, c'est-à-dire que là, je ne joue qu'à celui-là en ce moment. Ouais, bah comme Skyrim. Voilà, enfin, c'est vraiment le Skyrim japonais, quoi. Voilà, mais quand j'en aurais vu, je sais pas, imaginons 70%, et bon, pour voir 70% du jeu, à mon avis, il faut 200 heures. Après, tu vois, je me dirais, tout en faisant les jeux que j'attendais à côté, j'y reviendrais de toute façon très, très, très, très, très régulièrement pour continuer à découvrir. Envie de te dire, comme Zelda 3, Bruno, hein, à l'époque, hein. Parce que c'était pareil, hein. Tu te rappelles, on achetait plein de jeux, etc. Mais Zelda 3, tu y revenais et tu découvres. Alors, bien sûr, sauf que là. La cape qui sert à rien, tu peux passer. Ouais, alors là, c'est à une échelle, tu verras quand tu auras le jeu. Bah oui, ouais, j'imagine bien. C'est à une échelle insoupçonnée, c'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe Pour moi, Nintendo a défini une nouvelle grammaire de l'open world. Je trouve ce qu'ils ont fait, ce qui est très très fort, c'est qu'ils ont pioché. Hein, Aonuma s'en cache pas, il a kiffé Witcher 3, hein, il a kiffé Skyrim, et ça, il s'en cache pas. De toute façon, c'était les deux pour un monde ouvert, c'est les deux références à avoir. Voilà, il a pioché en fait à droite à gauche, même dans les jeux Ubi, parce que les jeux Ubi, même si très souvent ils sont mal finis, il y a quand même des très très bonnes idées dedans. Ouais. Donc il a pioché à droite à gauche, Il y a, et c'est pour ça on revient, c'est pour ça que moi j'ai voulu qu'on parle de ces deux jeux dans l'émission. On revient un peu à, il y a des ponts avec la méthode Resident Evil 7 en fait. C'est qu'ils ont pris ce qu'il y avait de meilleur dans le genre à côté, ils y ont insufflé l'ADN de Zelda et ils ont accouché plus des nouvelles idées bien sûr qu'ils ont apportées. Et ils ont accouché, je trouve, d'une nouvelle vision de l'open world, d'une nouvelle grammaire. Qui fait qu'on est en présence vraiment d'un des meilleurs jeux Nintendo de l'histoire, et donc pour moi, de facto, d'un des meilleurs jeux de l'histoire tout court. Tout court, ouais. Et c'est hallucinant parce que, en fait, Zelda, au-delà de la liberté, ce qu'il apporte, une des choses qu'il apporte en plus par rapport à la concurrence, c'est que c'est la première fois que dans un jeu du genre où j'ai autant l'impression de me créer moi-même ma propre histoire. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, bon ça t'as dû le lire, c'est pas un spoil, c'est que dès que tu commences le jeu, tu peux aller affronter Ganon tout de suite si tu veux. Oui, ouais. Bon, ouais, bon, sauf que, voilà, tu te fais maraver parce que t'as rien, t'arrives à limite à poil, tu vois, t'as rien. Bon, rien au grand... Tu sais que ça, je trouve qu'en termes de game design, putain, c'est... En fait, tu sais ce qui se passe. C'est un risque incroyable, tu mets tes couilles sur la table, tu dis, c'est hallucinant. Mon, mon GD est tellement parfait. Non, mais que je peux te donner accès au boss et vas-y, fais-en ce que tu veux. Quoi. Ouais, mais enfin, en termes de game design, c'est-à-dire, on va retrouver ce qui s'est passé avec Mario 64 à l'époque, c'est que je pense que son game design n'a pas fini d'être décortiqué et d'être étudié dans les écoles, parce que vraiment, ce qu'ils ont fait, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que dès le début, donc, tu peux aller voir le boss de fin si tu veux, le château où est Ganon. Ouais. En fait, chaque joueur aura une... Enfin, c'est hallucinant. C'est dur d'expliquer ça par simple mot, il faut vraiment y jouer, mais... Ouais. Quand t'es dans Zelda, quand t'es dans cet épisode, chaque joueur va se faire sa propre histoire, en fait, avec... T'es dans Hyrule, et c'est comme si... C'est comme si dans une dimension parallèle, toi, t'atterrissais à Hyrule, et moi, dans une autre dimension, j'atterris à Hyrule. Pour arriver à notre fin, on ferait certainement pas les mêmes choses, tu vois. On irait... Et ben là, c'est la même chose en non, fait. Non, mais tu sais, ils ont réussi à faire quelque chose qui, pour moi, ils avaient réussi à faire avec Ocarina of Time, avec Zelda 3 et avec le Link's Awakening aussi. C'est que tout simplement, le monde. Moi, c'est ce que ça a l'air d'en ressortir, juste comme ça, en analysant au loin et avec les yeux plissés. C'est que j'ai l'impression que, contrairement à tous les derniers Zelda, ils ont réussi à faire un monde. Un monde qui est tellement cohérent que t'en comprends les codes en fait tout de suite et tout paraît naturel. En fait, t'as vraiment, alors c'est très français comme expression, mais t'as l'impression vraiment d'être dans un monde virtuel, mais qui persiste et qui existe même quand t'es c'est pas là. C'est exactement ça. Ce qu'il faut préciser, tu fais bien de dire ça parce que. Et j'ai l'impression que c'est ça, moi. Ce que je voulais préciser aussi, c'est que. Bah, comme le premier Zelda, hein, le premier Zelda. Exactement. Ça, hein. En fait, c'est le Zelda 1 des années 2010, en fait. C'est que tu. Le héros, c'est le monde. C'est pas toi. Voilà. Et ce que j'ai aimé, c'est que tu n'es. Pas pris par la main, on te lâche dans Hyrule. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, parfois je suis obligé, parfois un peu de te faire mini-spoiler quand tu vois des gifs même traîner, parce que il y a des... En fait, t'as... Comment t'expliquer ça t'as... C'est dur de savoir par où commencer. Au tout début, t'as accès quasiment à tout, en fait. Voilà. Ouais. Selon... Au fil de tes trouvailles, bien sûr. Ouais. Comme tu peux aller où tu veux, tu peux finir le jeu en n'ayant fait aucun des temples, tu peux finir le jeu en n'ayant pas du tout vu... tel ou tel village, ou être passé par tel tronçon scénaristique important. Non, tu fais comme tu veux, en fait. Voilà. C'est-à-dire que chaque expérience est différente. Et selon ce que tu découvres dans le jeu au fur et à mesure, ils ont mis l'accent sur le moteur physique. Et c'est-à-dire que tout interagit avec tout. Et il y a des associations, parfois, sur des gifs que je trouve sur le net. Je fais, mais attends, mais jamais j'aurais pensé faire ça. Moi-même, j'ai découvert des trucs par surprise. Très rapidement, tu as la plupart de tes pouvoirs... J'ai vu un gif avec une poule là où le mec. Voilà, alors ça c'est génial. Il y a un monstre là, le mec il balance une bombe à côté d'un monstre et d'une poule, je crois. Et puis du voilà, coup, et les poules attaquent le monstre. Il y a plein de trucs, tu vois. Par exemple, alors ça c'est pas du spoil, mais là je te prends vraiment les premières interactions que tu découvres. Mais genre, tu vas lancer une bombe, rouler devant un ennemi, l'ennemi il va te la renvoyer comme un ballon de foot par exemple. D'accord. Genre. Tu vas le faire tomber, son arme va tomber, il va la reprendre. Tu vas enflammer un tronc d'arbre à côté de lui. il va se barrer, il va se foutre dans la flotte pour éteindre le feu. Enfin, il y a plein de trucs en fait comme ça. Et t'as des millions de combinaisons. C'est vraiment impressionnant. Et en fait, ça. On te dit rien au début. C'est à toi de tout découvrir. C'est-à-dire que la première fois. Ouais, il y a du gameplay émergent, quoi. Totalement. C'est émergent. De la tête aux pieds, en fait. Et ouais, ce qu'a un peu instauré à l'époque Half-Life 1 et 2, puis ensuite GTA. Bon, bah, j'ai l'impression que là, c'est encore pire. Quoi, c'est-à-dire qu'on te donne beaucoup d'outils au début. On te donne beaucoup d'outils au début. Et t'en fais ce que tu veux. Et chacun a son histoire. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment l'impression que quand je joue à. Et c'est pas une impression, c'est vrai. Quand je joue à Zelda, c'est moi qui écris le livre. C'est moi qui écris le scénario du jeu, quoi. Ouais. C'est génial. C'est-à-dire que Je décide de mon aventure. C'est la première fois que je vois un open world qui n'est aucunement balisé. Enfin, vraiment, c'est limite de la réalité virtuelle, mais sans casque, quoi. Tu vois, c'est ouais, impressionnant ouais. Ce qu'ils ont fait. Vraiment, c'est impressionnant. Et il y a plein d'idées vraiment dedans. Enfin, ça regorge d'idées. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, quand tu commences au début du jeu, bon, la fameuse zone du plateau qu'on a tous vu à l'E3, etc. Oui, avec le vieux, là. Voilà, avec le vieux, ça commence là, ok, bon. Et en fait, les premières heures du jeu, et Nintendo est très fort en général là-dessus, mais c'est un des plus bels exemples, je trouve, de tuto déguisé, en fait, où le vieux, donc sans spoiler, il va te demander, voilà, deux, trois trucs à aller chercher, tu le fais, et sans t'en rendre compte, le jeu t'incite à tester des trucs, en fait, autour de toi. Voilà. Et au début, tu es confiné dans cette zone parce que tu peux pas aller plus loin pour une raison voilà, que je tairai. Ouais. Et après, quand ça s'ouvre, écoute, tu as un souffle épique. Tu vois, quand tu sors de Midgard dans FF7, ouais. C'est ça multiplié par un milliard. Ouais, quand tu accèdes vraiment là ou vraiment où tu veux, sur Hyrule, oh, écoute, ça, tu te prends un souffle, tu es happé par l'aventure. Comme jamais tu l'as ressenti dans un jeu vidéo, c'est vraiment, c'est hallucinant quoi. C'est hallucinant. Ah, du coup, j'ai des questions. Vas-y. On va passer aux questions. Alors déjà, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans les Zelda. Tu me diras si ça y est, si ça manque ou si c'est pas un problème, s'il y en a pas, etc. Moi, ce que j'aimais bien, c'est les grottes. Alors, t'as peut-être pas assez joué au jeu, j'en sais rien, pour me dire... Alors, c'est ça, c'est sous réserve que, moi, comme je dis, j'ai une trentaine d'heures de jeu. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai découvert un quart... Et encore, quand je dis ça, je suis gentil. Ouais. De ce qu'il y a à découvrir. Et du coup, est-ce qu'il y a des cavernes, ou est-ce que vraiment, la map, c'est vraiment l'extérieur Est-ce qu'il y a des coupures, si tu veux, tu vois, genre, tu rentres dans une grotte, il y a une coupure, tu fais ton truc, tu ressors. Alors... J'ai pas trouvé beaucoup de cavernes ouais. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est surtout de. Attends que je réfléchisse. Parce que sur une session d'une heure, t'en vois tellement. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est surtout l'extérieur, ouais. qui sous grosse réserve, bien sûr, parce que voilà, ouais. je suis loin d'avoir tout vu. Je sais que il y a un moment donné, sans qu'on me le spoil, mais en écoutant l'émission GK d'il y a une semaine, je crois, où ils ont parlé du jeu. Il paraît qu'à un moment donné, tu découvres une connexion un peu particulière sur pas mal de choses qui seraient enfouies dans le jeu. Il paraît que quand tu le découvres, ça te fout une claque. Ouais, donc moi, ouais. je sais pas encore. Mais là, pour l'instant, en fait, c'est surtout de l'extérieur ouais, okay, que j'ai eu. Voilà, moi, c'est surtout l'extérieur. Je rebondis là-dessus. T'as visité des montagnes ou pas, non? Si ouais, tu d'accord. savais combien. Juste voilà, je profite de rebondir là-dessus parce que tes questions me font penser à ça. Le système d'endurance d'escalade, ouais. c'est juste le meilleur qui ait jamais été fait. D'accord. C'est-à-dire que l'escalade, elle est gratifiante, elle est grisante. C'est pareil, c'est le jeu d'explorateur. C'est la simulation ultime d'explorateur, quoi. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, quand tu gravis un sommet ou un flanc de montagne, où là tu te dis, Bert, j'ai pas assez d'endurance, je peux pas, je reviendrai plus tard quand j'aurai boosté ma jauge d'endurance, et que tu. Enfin, c'est. Il y a un souffle épique, et le système, et même ce qui nous faisait peur, je profite de le placer maintenant, parce que de peur que j'oublie, le système d'armes destructibles, ouais. qui faisait un peu peur à tout le monde, c'est juste superbement géré. Ouais, moi j'ai un peu l'habitude de ça dans les RPG occidentaux. Et c'est ça qui m'a fait... jamais dérangé, moi. Ouais, mais là, je trouve que ça a jamais été aussi bien réglé, parce que c'est ça qui fait que. Tu sais, ça. C'est, au niveau du game design. c'est ce qui fait que ça fait un équilibre en fait avec le fait que le monde est totalement ouvert dès le début, que tu fais ce que tu veux. Ouais. Tu comprends pourquoi ils ont opté pour des équipements destructibles et c'est totalement légitimé et c'est pas du tout gênant tellement tu trouves des milliards de choses tout le temps en fait sur ton chemin. T'es jamais au dépourvu, voilà. C'est-à-dire que même un monstre, tu le tabasses, il tombe, tu lui prends son arme quoi. Ouais, enfin, ouais, je voilà. sais, ouais. J'ai voilà. Et t'en trouves partout, enfin, bref, voilà, je te laisse continuer. Ok. Ouais, je voulais poser la question donc, sur les cavernes. Est-ce que, moi, c'est peut-être un truc qui me faisait peur, mais j'ai pas l'impression que c'est le cas, parce que les gens en parlent pas vraiment. Est-ce que le monde est vide, quoi? Est-ce que c'est surtout du plat, avec finalement quelques camps d'ennemis Alors non, voilà. Voilà, moi c'est ça que je voulais voir. Alors ça, je sais que tous les deux, on est très sensibles à ça. Tu fais bien de pointer ça, parce que c'était l'une des peurs aussi qui nimbait un peu l'aura du jeu avant parce sa sortie. Parce que Skyrim a réussi à ne pas tomber justement, tu vois, dans ce piège, alors, mais ça demande beaucoup de boulot, quoi. Pareil, pour moi, Nintendo a fait quelque chose encore pour moi d'historique. C'est qu'ils jamais, je trouve, hein, mais je suis pas le seul à le dire, donc c'est que ça doit être quelque part vrai. Dans un monde ouvert, je n'ai jamais vu une science du level design autant appliquée à chaque mètre carré. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. En fait, ce qui, mais je voulais avoir ton avis. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est pas un spoil parce que c'est sur les, c'est derrière la boîte, tu vois, c'est écrit, c'est le pitch de départ. C'est qu'en fait, t'es dans un Hyrule dévasté. Oui, ouais, bah ça, c'est l'histoire. Voilà, ouais, bon, ça, c'est le pitch de départ. Tu te réveilles, ouais. Link a été endormi 100 ans. Enfin, le Link de cette histoire, en tout cas, parce que vous savez très bien qu'à chaque fois, c'est un Link différent. Ah, bah, pour Aonuma, il avait dit que c'était celui d'Ocarina. Hein. D'accord, ok. Il a dit que c'était 100 ans après Ocarina, hein, pour lui. Hein. Très bien. Alors ça, tu vois, c'est une info que j'avais loupée. Et c'est pour ça que le temple du temps, c'est le même. Oui, oui, oui, oui. Et pas que celui-là. Mais après, je ne veux pas spoiler. Ah, mais en fait, on arrive dans un... Je sais qu'il y a des épisodes connectés, comme Link to the Past, Link's Awakening, etc. Bon. Bah là, il est dans la timeline officielle, entre guillemets. Ok, celui-là. D'accord. Okay. Pourtant, Dieu sait que j'en ai lu ces derniers jours des interviews de Numa, j'étais pas tombé là-dessus. Donc, tu fais bien de me le dire. Ça, c'est il y a longtemps. Hein. Donc, si vous avez adoré Ocarina et que vous le connaissez à peu près par cœur, vous allez vous prendre... Genre moi. Voilà, genre toi. En fait, ce qui se passe, c'est que donc, tu travailles 100 ans après et tu arrives dans un Hyrule dévasté. Ouais. Donc... C'est un Hyrule vraiment complètement dévasté et en fait c'est pas vide du tout, c'est juste que c'est un monde qui a souffert les attaques de Ganon et de ses sbires en fait. Ouais. Et du coup tu vas trouver certains endroits donc clés de Ocarina of Time qui vont complètement être dépouillés, ravagés, tu vas trouver des habitants qui sont complètement dépités, etc., des peuples meurtris. Mais en fait, c'est un Hyrule qui est dévasté, mais tu as à chaque mètre carré vraiment une science du level design qui est apposé partout. C'est-à-dire que tu as 1000 choses à voir tout le temps. Imaginons, tu dis, tiens, je vais aller voir là-bas sur la carte, il y a un truc que j'aimerais bien aller voir. Tu peux croiser sur le chemin 1000 et une choses à faire. Mais ce qui est génial, c'est que contrairement à certains open world, tu te sens pas obligé, tu sais, ce schéma classique de l'open world où t'avances et tu dis « Ah merde, il y a ça qui me distrait de ma quête. Non, non, non. Là, comme tu t'écris ta propre histoire, si vraiment tu vois un truc au loin, tu dis « Tiens, ça, j'irais bien le voir. » Il y a un système de balises dans le jeu sur la carte qui est très, très bien fait, où tu peux baliser plein d'endroits sur la carte pour te faire des sortes de mémos, en fait. Voilà. Et en fait, c'est tout le contraire de vide. C'est que c'est vertigineux tellement il y a de choses à voir et sur quelques mètres carrés, tout appelle à l'exploration et en tout. Fait, il faut le jouer pour s'en rendre compte. Quoi. Non, mais je connaissais un peu ta réponse parce que sur le plan du game design, c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup et je pense quasiment bouffé toutes les interviews. Ah bah il fera date, hein, ça c'est clair. J'ai surtout bouffé de l'interview plus que de regarder le jeu. C'est-à-dire que même à l'époque, même avant le dernier trailer, tu sais, quand ils montraient 40 minutes de gameplay, etc., j'ai pas regardé moi. Ah oui, moi non plus. J'ai regardé un tout petit peu, tu vois, vite fait, juste pour voir si techniquement ça va un peu avancer. Si ça faisait pas peur, mais genre, tu sais, quand t'avais des vidéos de 40 minutes, etc. Ah non. J'ai dû regarder 30 secondes, tu vois. De toute façon, quand il y a un jeu que j'attends. On en a souvent parlé dans cette émission. Je regarde les premières annonces Et après, ouais. Je coupe tout. Zelda, le seul truc que j'avais vu, c'était ce que tout le monde a vu à peu près, c'est quand Link, il court au début, il arrive sur le plateau, ouais, il va voir le vieux et voilà, je m'étais arrêté là. Et quand il coupe du bois, là, et que ça tombe dans l'eau. Voilà. Bon, et j'ai vu couper des bûches. Et le trailer un peu narratif qu'ils avaient montré avec la Zelda en pleurs, tout ça. Donc, c'est le dernier, c'est le trailer officiel. Qu'on a c'est tous vu, le trailer officiel, voilà. Et qui après, moi. Incroyable d'ailleurs, ce trailer. Et j'ai tout coupé. Et sachant qu'alors, moi, où j'en suis. Alors, attends, j'ai pas fini. Oui, vas-y. Parce que sur Zelda, je voulais dire un truc. Ouais, c'est que. Je connaissais un peu ta réponse, en fait, parce que, comme je disais, j'ai bouffé des kilotonnes d'interviews, parce qu'on a beaucoup eu, Onuma était tellement invité partout, que j'ai même lu des traductions, genre, d'interviews de sites italiens, tu vois, voilà, j'ai jusque-là. Et en fait, bon, ça, il l'a dit plusieurs fois, mais des gens sont peut-être passés à côté, c'est qu'au milieu du développement, ils ont changé de méthode pour la création donc, du level design et d'Hyrule. Et en gros, je ne sais pas si tu as vu, mais chaque level designer avait des tâches à faire. C'est-à-dire que, bon, bah moi, je m'occupe, par exemple, de... Alors, c'est encore donné limite GPS, quoi, de telle zone à telle zone. Toi, tu t'occupes de telle zone à telle zone, etc. Et toutes les semaines, tout le monde se regroupait et ils jouaient tous à leur zone, en fait, après interconnectés, assemblés, pour voir si ça fonctionnait et si ça empiétait pas. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui est très marrante, c'est qu'il faut savoir qu'Aonuma a participé au level design aussi, en plus de participer... Attends, deux secondes, quitte pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit quoi? Ah, d'accord. Ok, tu prends ton téléphone. D'accord. À tout à l'heure. Donc, je disais qu'Aonuma a participé, en plus d'être le chef de projet, producteur, game designer, il a aussi beaucoup participé au level design dans celui-là. Mais beaucoup, tu sais, un peu comme à l'époque de Majora, quoi. Tu vois? Tu m'entends? Oui, je t'écoute. Ah, d'accord, okay. Ouais, je t'écoute. Et il y avait une anecdote très marrante où il disait qu'il avait fait une zone, lui, qui lui tenait à cœur, quoi. Il s'était fait chier à la faire, à placer chaque jarre. Tu l'as entendu, ça, ou pas? Bah, en fait, j'ai entendu un peu ce que tu as dit. Attends, alors justement, ouais, il avait posé dans l'interview, mais il le dit, je crois que c'est même sur Gameblog quoi, qu'il le dit, je sais plus. Il avait posé des jarres, et puis quand il l'a testé plusieurs semaines après, ces jarres n'étaient plus là, mais pour une énigme, il en avait besoin. Il fait, mais merde, comment ça se fait, etc. Et en allant plus loin dans la zone, il a remarqué que toutes les jarres étaient collées, en fait, contre le mur, tout était tassé, les caisses, etc. Parce qu'un de ses collègues, un des level designers, dans une zone pas trop loin, a fait une énigme avec du vent, en fait. avec du vent qui souffle, mais le vent a traversé plusieurs centaines de mètres et a soufflé toutes les jarres et tous les éléments qu'Aonuma avait posés. Et en fait, il avait dit que quand il s'était rendu compte de ça, il s'est dit « Ok, bon, bah maintenant c'est mort, toutes les semaines, on va tous tester toute la carte, quoi. Tout ce qu'on a ajouté. » Ça, je l'ai lu, ouais. Ça, par contre, je l'ai lu. Et c'est pour ça qu'apparemment, ils ont réussi à pallier à ne pas tomber dans le piège d'une carte vide juste avec des arbres et des buissons, c'est parce que chaque personne a voulu faire son petit LD dans chaque zone, quoi. C'est exactement. Et mais ça et apparemment ça se ressent, donc mais ce qui se ressent, ce qui est fort, c'est ce qui se ressent, c'est la cohérence de l'ensemble. On n'a pas l'impression que c'est compartimenté, en fait. Tu sais, c'est ça qui est énorme. Parce qu'ils ont constamment tout joué, ça s'embrique, en fait, vraiment de manière naturelle. Moi, c'est un travail d'équipe. Moi, je vous invite à, en parlant de la création du jeu, sur le site officiel de YouTube de Nintendo France, ils ont mis en ligne 3 vidéos de making-of sur le jeu. Je vous invite à aller voir. Et il y a aussi sur le compte YouTube de la Game Developer Conference. J'ai prévu de voir ça cette semaine. Là, j'ai pas eu le temps de le voir encore. C'est en anglais. Une conférence sur la création du Zelda, une conférence qui dure plus d'une heure. Et à mon avis, qui doit être gorgée d'anecdotes savoureuses. Et au passage, le prototype, là. Ah, le prototype en 2D, ouais. Bon, alors, on en reparlera, mais bon, je pense qu'on a tous les deux. Un Zelda Maker. Attends, de quoi? Ouais, d'accord, ok. Un Zelda Maker en vue? Non, pas un Zelda Maker, je pense pas, mais par contre, ils vont faire un Zelda comme ça, c'est sûr. Sûr. Ça, ce serait rigolo qu'ils en fassent un. Tu sais, même sur Switch, mais un petit truc sûr. En DL, tu vois. Mais attends, c'est carrément sûr. Évidemment, oui, ils vont faire ça. Évidemment. Pour le monde de Zelda, avant que j'oublie, justement, dans ces vidéos de mise en ligne par Nintendo France, t'as le directeur, en fait, qui disait que. Pour un peu voir un peu les échelles de distance et se donner des repères, il s'est basé sur la carte de Kyoto. Et en fait, le Hyrule de Breath of the Wild s'inspire en fait de la cartographie de Kyoto, en fait. Voilà. Non, ça peut pas être aussi grand que Kyoto, c'est pas possible. C'est la petite anecdote. Écoute, en tout cas... On va venir à ma... Vas-y. Parce que c'est justement, mon autre question, c'est ça. Ça te paraît grand ou pas? Est-ce que vraiment c'est grand? C'est même plus grand que grand, quoi. Enfin, c'est... Bah, après, c'est sûr que quand, pour un Zelda, c'est enfin voilà, c'est vertigineux. Maintenant, c'est difficile, puisque chaque jeu a son système de progression, chaque jeu a son système d'échelle. Donc, c'est pas évident de dire, tiens, par rapport à Skyrim, Witcher, où est-ce qu'il y a de... Non, parce que, tu vois, Skyrim, la carte, elle est quand même claire. C'est-à-dire que, voilà, t'as la map, tu sais, quand tu regardes ta carte, bon, elle est grande, mais va dire que si t'es tout à l'ouest et tu vas tout à l'est, bon, t'en as pour 20 minutes, allez, grand max, quoi, tu vois. Et The Witcher, d'ailleurs, c'est un peu pareil, parce que c'est... Witcher, c'est grand, sans être grand. Ah, Witcher, c'est grand, quand même, hein. Ouais, mais il y a beaucoup de vide dans The Witcher. Enfin, moi, c'est mon avis. Attention, je minimise pas la qualité du jeu. Moi, c'est une de mes plus grosses claques. Mais Breath of the Wild lui est clairement très supérieur. Hein. Attention, comme je dis, de toute façon, c'est le meilleur monde ouvert de tous les temps, quoi. Mais en fait, j'arrive pas à voir quelle grandeur, parce que bon, c'est marrant parce que comme quoi finalement tout le monde a à peu près eu les mêmes sentiments, c'est que c'est vrai que Zelda 3, il est grand. Enfin, le Link to the Past. Moi, j'appelle toujours Zelda 3. Ah, pour l'époque, il est énormissime, ouais. C'est vrai qu'il est grand. Le Link's Awakening, c'est vrai qu'il est grand. Zelda 2, c'est vrai qu'il est grand. On a tendance à l'oublier, mais Zelda 2, il est immense. Hein, ah oui, aussi. Zelda 2, il est immense, ouais. Mais Zelda 1, il est gigantesque. Le premier Zelda. Le tout premier, hein. Oui, bizarrement. Oui. Et pourtant, tu vois, c'est un jeunesse, mais il est plus grand hein, que Zelda 3. Enfin, le Hyrule, il est plus vaste. Parce que tu te perds beaucoup plus facilement dans Zelda 1 que dans Zelda 3. Peut-être parce que t'as moins de repères visuels aussi, mais en tout cas... T'as moins de repères visuels, ouais. Voilà, la sensation... Puis il est beaucoup plus dur aussi. Oui, donc la progression est plus lente aussi. Hein. La sensation est là, quoi. C'est-à-dire que Zelda 1, putain, il y a des montagnes, attends, vas-y, je vais aller tester dès le début du jeu avec ton épée en bois, tu te fais bouillave par un chevalier bleu, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Cette sensation de Zelda 1, moi, je l'ai jamais retrouvée dans aucun Zelda. Jamais. En fait, cette sensation du... t'as ta bite et ton couteau, tu peux croiser un mec en trois coups, il te met deux claques, t'es mort. Et moi, j'ai un gros problème avec les Zelda, c'est que les derniers Zelda, déjà, un, sont très dirigistes, deux, sont beaucoup trop faciles. Et les derniers Zelda où j'ai eu des game over, c'est dans le mode hard de Between Worlds. Et parce que je fonce, tu sais, je cours, je fais un peu n'importe quoi, parce que dans Between Worlds, pour moi, même le mode hard, pour moi, ça devrait être le mode facile, quoi. Alors, pour un jeu d'aventure, tu vois. Alors, attends, t'as soulevé plusieurs points là, intéressant. Alors, un, la grandeur et le fait de se perdre dans le monde, et deux, parce que pour moi, ça en fait partie, le fait de se perdre et de croiser éventuellement des ennemis trop dangereux ou un truc comme ça. Pour moi, ces deux choses-là sont deux points communicants dans un jeu d'aventure. Ce qu'on a essayé de faire d'ailleurs avec Fantasy 2, sauf que comme des cons, dans la première version, on n'avait pas mis de cartes, donc les gens ont trouvé ça trop dur. Mais bon, maintenant, il y en a une, hein, depuis longtemps. Mais... Une belle carte que j'ai dessinée. Ouais. Non, mais c'est cette sensation de visiter, de se dire, putain, j'y vais pas, parce que c'est peut-être dangereux. Pour moi, c'est ça l'aventure, c'est... T'as envie d'y aller, en même temps, tu dis, je suis peut-être pas équipé pour, bon allez, qu'est-ce que je fais? Allez, je m'en lance, et je sais pas du tout où je vais. Bah, c'est exactement ça. En fait, la sensation de découverte, de se jeter comme ça dans... Pas comme dans Zelda 1. Dans l'aventure, dans Zelda 1, tu le retrouves multiplié par 10 milliards. C'est vraiment l'un des cœurs du jeu. C'est le cœur du jeu, c'est ça. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, où jamais, moi j'ai ressenti dans un jeu du genre, ce souffle d'aventure, d'aller explorer comme ça. Ouais. Tu l'as, mais t'imagines même pas comment tu vas l'avoir, cette sensation. Tu vois, de se dire, oh, mais vraiment, je pars à l'aventure, quoi, avec mon bout de bois, mes godasses, et advienne que pourra. Et au niveau de la difficulté, je n'ai jamais eu autant de game over dans un Zelda. C'est-à-dire que... Parce que même The Witcher 3, je l'ai trouvé trop facile. Ils ont trouvé un juste milieu vraiment parfait, c'est que tu meurs très souvent dans Zelda. C'est-à-dire que dans ce Zelda-là, tu peux, selon l'arme que tu as, parce qu'en fait, les armes, elles ont toutes des... Enfin, même les équipements, ils ont tous des niveaux de puissance. Voilà. Et les menus sont géniaux. Merci, il y a des grosses polices. C'est pas des trucs en pâte de mouche. Ah, super. Ouais, mais voilà. Bah, c'est Nintendo, quoi. Bon, c'est Nintendo, ça, Onuma, surtout. Les menus sont top. C'est-à-dire que tu peux très bien désinguer des ennemis comme ça. Tu dis, tiens, je vais les visiter là-bas. Tu croises un gars, pouf, il te fout un coup, game over. Tu perds tous tes cœurs. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est que tu apprends les différentes races qui t'entourent. Tu sais, à un moment donné, qui, selon ton niveau, il va falloir éviter. Il y a aussi les conditions météo qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire qu'il y a des lieux où tu vas être obligé de te couvrir avec des tenues, avec de la fourrure, etc. si tu ne veux pas crever de froid. Ouais, il y a un système d'hypothermie. Voilà, comme tu as vu, bon, quand il y a de l'orage, si tu as une épée en fer, bah, mon pote, tu te fais frapper par la foudre, tu meurs en un seul coup. Je n'ai jamais autant eu de game over dans un Zelda, mais ce n'est pas du tout frustrant puisqu'il te remet soit selon l'endroit où t'es, limite 2 mètres avant, où tu étais. Ah putain, c'est bien ça. Soit il te... Moi, j'avais peur que tu perdes plein de trucs, ta progression. En fait, il y a deux trucs, c'est que tu peux faire des sauvegardes manuelles quand tu veux, où tu veux. D'accord. Et t'as des sauvegardes auto qui sont très très très régulières. Bon, ce qui se passe, c'est que dans certaines zones, par exemple, bien sûr, parfois il va pas te remettre au brin d'herbe près, mais oui. Tu vois, soit il va te remettre au brin d'herbe près, soit il va te remettre quelques mètres plus loin. Mais je veux dire, tu recommences ta scène maintenant, quoi. Voilà. Tu sais ce qu'ils doivent faire. Ils doivent traquer la position du joueur. Ah bah oui, c'est clair. En coordonnées, et ensuite ils doivent soustraire la coordonnée, de la zone de mort. À une coordonnée de la trajectoire que tu as fait juste avant. Ils doivent faire un truc comme ça, je pense. Ce qui est très fort, c'est que le jeu est dur, mais jamais frustrant. C'est pas comme avant, tu vois, par exemple, dans Zelda 2, tu perdais. Comme Zelda 1, quoi. Ou comme Zelda 1, fallait que tu. Non, non. Bon, encore, elle était un peu frustrante. Zelda 2, par contre, était très frustrant. Je sais pas, tu vas trouver 50 rubis dans un coffre, ça va sauvegarder. D'accord. Automatiquement. C'est-à-dire que si tu te fais tuer après et que t'as fait 10 km pour venir là, il va te remettre pas loin et ça va garder ce que t'as récupéré. Ouais. Là, hier, j'ai vécu un moment. Alors, c'est pas un spoil, parce que je vous dis pas où c'est, je vous dis pas quel monstre, mais je devais récupérer quelque chose quelque part. Et autour, il y a un monstre qui garde la zone où là où j'en suis, clairement, je peux pas tester. Quoi. Enfin, je peux même pas l'affronter. Un coup, il me tue. Quoi. Bon. Ouais, je l'ai traqué, j'ai attendu qu'il se barre, je me cachais dans les forêts parce qu'il y a un côté infiltration qui est vachement sympa. Ouais. J'ai passé, je sais pas, avec bonheur, une demi-heure à essayer de pas me faire repérer par lui pour récupérer quelque chose. Quand il m'a repéré, quand je suis mort, je recommençais à l'entrée de cette zone, à l'endroit où j'avais commencé mon infiltration. Tu vois, il y a plein de façons de mourir en fait dans ce Zelda, que ce soit par les ennemis, que ce soit par les effets météo, que ce soit par une chute. Parce que si tout en haut d'une montagne et que ta jauge de grind est là à zéro et que tu chutes, bon, c'est un peu compliqué, tout dépend où tu vas atterrir. mais tu recommences où t'étais en fait. Ça va te remettre au pied de la montagne, tu vois. Et ce qui est très très intéressant, c'est aussi, il y a tellement de choses à dire, tu vois. C'est qu'il y a des pouvoirs que tu découvres selon où tu vas, selon qui tu vas rencontrer. C'est-à-dire que moi, je suis sûr qu'il y a plein d'autres personnes qui jouent à Zelda dans mes amis ont peut-être pas le pouvoir que j'ai là au bout de 30 heures de jeu. Peut-être qu'ils en ont un autre. Ouais. Mais les pouvoirs que tu as aussi t'aident à accéder à certaines zones, en tout du moins des fois plus facilement. Justement, c'est un peu comme Zelda 2. Du coup, il y a des gens qui te donnent accès à des capacités, mais que c'est pas obligatoire pour terminer, quoi. Voilà. C'est-à-dire que les capacités vraiment obligatoires, tu les as très très rapidement. Ouais. Et c'est génial parce que en fait, ces capacités modulées avec d'autres éléments ou avec d'autres capacités, tu crées des capacités à la carte, en fait, presque. Ouais, après. Donc, ça en fait des nouvelles. Ouais. Donc, c'est infini, quoi. Donc, voilà, c'est ce qui permet vraiment de tester énormément de choses dans le monde. Après, t'as des... En fait, ce qu'il faut savoir, ça, c'est pas un spoil, mais faut vraiment que j'en parle. Et c'est pour ça que j'aime tellement aussi cet épisode. C'est que, putain, les donjons, ils sont plus au centre du truc. Oui, ils sont plus courts. Bah, sur Gamecult, ils l'ont dit. T'as quelques donjons... des gros donjons. Hein. Je parlerai des sanctuaires après, qui est pour moi l'une des meilleures idées aussi du jeu. T'as vraiment. Alors apparemment, il y en aurait 4, d'après ce que j'ai lu. Mais je sais pas en fait. Mais t'as 4 gros donjons créatures qui font référence d'ailleurs à Ueda un petit peu. Comment ça s'appelle ? Il y a Onuma qui a dit qu'il pense que beaucoup de joueurs ne feront pas tous les donjons en fait. Voilà. Et donc moi, en fait, clairement, encore là. Encore une fois comme Zelda. Hein. Voilà. Là, clairement, moi, j'en ai fait un. Et là, en ce moment, je suis sur le deuxième, en fait. Voilà, où je suis en train de me gratter la tête sur une énigme, là, où je n'ai pas encore trouvé comment faire le D'accord. truc. Mais en fait, et ça, tu rencontres des personnages clés qui vont t'octroyer des pouvoirs spéciaux, en fait. Voilà. Ouais. Qui ne sont pas du tout obligatoires pour finir le jeu. Mais que quand tu les as, déjà d'une, ils te facilitent vachement la vie ouais. Pour l'exploration. Et puis parfois, ils te donnent accès à des choses que tu aurais eu très difficilement accès autrement, voire peut-être pas du tout. Ouais. C'est assez. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a un petit endroit dans parfois, enfin très souvent, tu vas arriver dans un endroit de la carte qui est minuscule par rapport à l'immensité du jeu. Ça va être quelques mètres carrés, tu vois, sur ce monde absolument gigantesque et ça va t'occuper de 4-5 heures, quoi. Parce que t'as ouais. un truc à faire dedans. Sans spoiler, tu vois, il y a aussi, ils reprennent intelligemment des thématiques qu'on a rencontrées dans les anciens Zelda. Bah, tu sais, bon, ça c'est pas du spoil, mais dans tous les Zelda, t'as des bois perdus, t'as des zones, voilà, bon, bref. Là, la version des bois perdus de Breath of the Wild, bon bah, là encore, c'est la meilleure de la série. Ah putain, important en 3D, c'est... Enfin, moi je me suis toujours dit que c'était un rêve de gosse, tu sais. C'est hallucinant ce qu'ils ont fait. La forêt. En fait, tu pourrais prendre. Et tu vois, ça c'est la signature des grands, grands jeux Nintendo. Tu pourrais prendre 10% de Zelda Breath of the Wild. Pour moi, ça dépouillerait déjà les autres mondes ouverts. Ouais, tellement c'est truffé d'idées et de plaisir de jeu, quoi. Et donc, les temples, donc non seulement pour revenir là-dessus, sont pas très nombreux et sont limite optionnels, et ça, c'est génial. Et il y a la putain d'idée des sanctuaires. Oui, ouais. C'est génial. Y en a une centaine ou 100, je sais plus. Bah, en fait, comme, tu sais, j'ai l'impression que... on parlait souvent de Zelda, que moi, tu vois, je répète encore, mais moi, c'est l'exploration voilà, qui primait, tout ça. J'ai l'impression que c'est un Zelda qui a été fait à la carte pour moi, parce que moi, j'adorais les énigmes dans les donjons, mais les donjons prenaient trop de place au détriment de l'exploration ces derniers temps dans ouais, Zelda. Ouais. Donc là, non seulement l'exploration, c'est le cœur de Breath of the Wild, et ces petits sanctuaires que tu dois dénicher, je crois qu'il y en a 120 en tout, il me semble, dans le jeu, que tu dois dénicher, et là, vraiment, tu les découvres, faut que t'explores, quoi, on te dit pas où ils sont, hein, c'est toi ouais, qui ouais. explores et tout. C'est comme des petits bouts de donjons qui se suffisent à eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire que tu rentres là-dedans, c'est des mini-donjons, en fait. Tu sais, comme on pouvait parfois même en croiser dans Link's Awakening, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est des mini-donjons. Parce que Link's Awakening est un peu Et d'ailleurs... implémenté ça, parce que des fois, tu rentres dans une grotte et tu te retrouves avec quelques salles et avec carrément une énigme dedans. Beaucoup plus que dans Zelda 3. Et quoi, d'ailleurs, les vrais fans de Zelda reconnaîtront, parce que j'ai l'impression d'avoir été le seul à avoir reconnu ça, même par rapport à ce que j'ai entendu et lu, dans ces sanctuaires, c'est une référence musicale à Link's Awakening, mais bon, je ne vous en dis pas plus. Donc, c'est des mini-donjons, soit qui vont te demander de réfléchir à quelques énigmes basées sur un même thème, tu as une thématique et des énigmes autour pour en sortir. D'accord, d'accord. C'est soit ça, soit un combat contre un ennemi redoutable. Ok, ah oh, cool. Voilà. C'est ça, moi, je trouve que dans tous les Zelda 3D, à part Ocarina of Time et à part Majora's Mask, parce que même ceux après, hein, je trouve que les combats, ça a vachement été mis de côté, quoi. Alors là, les combats... Et tu vois, par exemple, Wind Waker, t'avais plein de systèmes, tu sais, pour faire des roulades, etc. Là, mais les ennemis, tu les one-shot à chaque fois, quoi. Ça sert à rien. Enfin, tu vois, à quoi bon donner des capacités intéressante, le saut périlleux avec l'épée, etc. Si les ennemis en deux coups, tu les butes. Enfin, ça alors, pour le système de combat, c'est à l'image de tous les autres paramètres du jeu. C'est qu'il y a des trucs que je découvre tous les jours. Il y a même un truc, je l'avoue, je l'ai appris grâce à un gif que j'ai vu passer sur Twitter. parce qu'il y a tellement de possibilités que des fois, Il faut vraiment se dire, c'est l'épisode qui renverse la table. Il faut pas rester sur ses acquis de Zelda. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des choses où tu te dis, tu vois, j'ai la flèche de glace, je fais ça, et tu te dis, non, je vais pas reprendre mes habitudes des anciens Zelda. Je vais tester ça aussi. Ah merde, ça marche. Putain, ça fait ça. C'est ouf. En fait, il faut que tu testes plein de trucs. Et le système de combat, comme tous les autres aspects du jeu, se met au service de ton imagination. Tu fais ta tambouille. D'ailleurs, c'est le cas de le dire, puisque tu cuisines dans le jeu. Et ça aussi, ouais. Tu vois, Zelda, ce Zelda-là a réussi quelque chose d'énorme. C'est que moi, faire de la cuisine dans les autres ça jeux... Ça m'a toujours gonflé. Ouais. Voilà, ça m'a toujours gonflé. Que ce soit dans les Tales of ou dans plein d'autres jeux, ça m'a toujours gonflé. Écoute, là, faire la cuisine, c'est la Nintendo Touch. C'est un bonheur. Tout est bonheur dans ce jeu. Ouais. Et même des choses que j'aimais pas dans les autres jeux, j'adore faire la cuisine, ramasser... ramasser plein de choses. Ouais. Dans les jeux, tu vois, c'est-à-dire faire soit du crafting en détruisant des trucs, ou soit en faisant de la cueillette, ou en ramassant des bêtes, ou enfin tout ce que tu veux. Moi, il y a vraiment que dans Skyrim que j'ai trouvé ça. Et ben, ça n'a jamais été aussi plaisant. Je n'ai jamais autant kiffé ramasser des trucs, faire des tests, parce que là, au-delà de la cuisine, c'est carrément de l'alchimie que tu fais. Mais c'est à la façon Nintendo, tu vois. Pour te donner une image, c'est un peu comme le SimCity de la Super NES. Ouais, tu jouais à l'époque sur SimCity sur PC, ça pouvait paraître un peu austère de prime abord. Voilà. Sur Super Nintendo, alors que c'était le même jeu à la base, Miyamoto avait vraiment rendu ça beaucoup plus user-friendly, quoi. Tu vois, c'était vachement plus accessible, c'est beaucoup plus plaisant. Il avait enrobé ça avec une petite couche de miel, ça passait mieux. Et ben, c'est exactement ça dans Zelda Breath of the Wild, c'est que tout ce genre de truc, que ce soit du loot, du crafting, tout ce que tu veux. C'est super plaisant, rien que l'animation, les bruits et la manière de faire de la cuisine. Tu peux pas t'en lasser, c'est juste génial. Tout est génial. Avant d'oublier, parce que là on s'achemine vers la fin de l'émission, c'est pareil, tu vois la gestion des cœurs, de la jauge d'énergie et de la jauge d'endurance en fait. Donc la jauge d'endurance, je le rappelle, qui te donne plus ou moins de temps pour grimper, pour courir. Pour un tas de choses, pour nager. Ouais, pour sprinter. Ouais. Voilà, un tas de choses comme ça. C'est géré de manière très intelligente parce que les sanctuaires, ils sont super importants parce qu'au-delà des plaisirs, parce que les énigmes que tu as dans les petits sanctuaires là, c'est hallucinant. Hein. C'est superbement intelligent à chaque fois. Quand tu finis un sanctuaire, tu gagnes une médaille. Médaille de bravoure. Donc bon, ça c'est pas du spoil, je parle du système de jeu. Quand t'as 4 médailles, il faut que t'ailles prier devant l'une des statuettes ou des statues même carrément, parce que parfois c'est des statuettes ou voire des statues de la déesse. Ouais. Et là, quand t'en as 4, tu as le choix. Soit tu échanges 4 médailles contre un réceptacle entier de cœur en plus. Ouais. Soit t'augmentes ta jauge d'endurance. Ah mais c'est comme Zelda 2. Hein. Voilà. Oui. Donc moi ce que je conseille. C'est un peu la Zelda 2 quoi. Ce que je conseille aux gens, c'est de faire un peu un mix des deux. Voilà. Parce que vraiment la jauge d'endurance quand tu l'augmentes, franchement ça te facilite vachement la tâche. Ouais. et voilà, donc tu as le choix entre ça et ça. Mais t'as plein de sous-quêtes, mais les sous-quêtes elles sont pas envahissantes. C'est-à-dire que tu vois là je pourrais me dire tiens, imaginons dans quelques semaines je suis assez puissant pour les Bad Ganon, bah je fais tiens je vais aller voir ce qui se passe et tout. Même si j'ai fini le jeu, il n'y a pas moyen. Moi, le jeu, je veux voir 100%. Ouais. Tu vois, voilà. Donc, il a, pour moi, c'est un jeu qui a une durée de vie de X années, quoi. Tu vois. Et oui, c'est ça, je voulais te dire tout à l'heure aussi. Ouais, si c'est plus grand que Skyrim, alors que Skyrim, avec Kelly, on y a joué, on doit être à plus de 270 heures, un truc comme. Je crois qu'on a 270, un truc comme ça, et qu'on n'a pas tout fait, et que c'est pire que Skyrim, parce que tout le monde a l'air de dire que c'est pire. Moi, je sais qu'en prenant le Zelda, j'ai 6 mois de jeu, quoi. Ah, mais... En jouant tous les jours, quoi, tu vois. Ah ouais, mais même plus, parce que tu vois, moi je me dis... là, franchement, hein, il n'y a pas de compteur dans le jeu. Alors, il faudrait peut-être que j'aille dans les menus de la Wii U, peut-être pour... Faut que je cherche ça, pour voir un peu combien d'heures j'ai. Je pense, grosso merdo, je dois être entre 30 et 40, là. Ouais. Et vraiment, j'ai vraiment l'impression... Je sais même pas si j'ai fait un quart du jeu, je sais pas. C'est tellement... Puis après, c'est selon toi aussi, c'est qu'il y a le temps de jeu effectif pour voir à peu près toutes les zones de la map. Mais après, pour tester toutes les interactions, pour découvrir tous les secrets, pour découvrir tous les trésors cachés et tous les machins, à mon avis, il faut 200-300 heures. Et encore, tu vois, je sais pas. Ouais. Oui, je voulais revenir vite fait, parce que tout à l'heure, on parlait de la princesse Zelda. Figure-toi que là, je suis à 30 heures de jeu, je n'ai pas eu une scène avec la princesse Zelda. Ah ouais, parce que je suis pas tombé dans le... Je suis sûr que tu peux en avoir peut-être au bout de 5 heures de jeu, peut-être, de 10 heures de jeu. Mais parce que moi, sur mon cheminement, j'ai pas encore eu l'occasion d'avoir une scène... mettant en scène, c'est qu'elle vient d'avoir un passage mettant en scène soit un flashback, soit une scène avec Zelda. Pas du tout. Et je sais que j'ai découvert des personnages super intéressants qui m'ont même apporté beaucoup de choses de races mythiques de la saga, ouais. Zelda. Ben, je les ai croisés parce que je suis passé par là. Mais là, voilà. Toi, par exemple, on aurait joué en parallèle, t'aurais sûrement rencontré d'autres races, peut-être un Goron, parce que moi, je les ai pas encore rencontrés, tu vois. Ah la vache, d'accord, ok. Moi, j'ai rencontré, parce que je suis passé par là, un gars du peuple Piaf, et là, en ce moment, je suis chez les Auras, mais parce que mon voyage m'a amené vers là-bas, mais j'aurais très bien pu finir le jeu sans voir un seul Zora, ou tu vois, peut-être, enfin, peut-être sûrement. Écoute, c'est de toute façon, je pense qu'il faudra, quand tu auras fait le jeu, dans X mois, hein, dans 6 mois, peut-être même plus, il faudra qu'on refasse une émission sur... Sur ce jeu, parce que c'est un jeu, pour résumer, c'est un des plus grands jeux de l'histoire, c'est un jeu historique. Moi, dans mon cœur de joueur, il a un impact beaucoup plus grand qu'Ocarina of Time. Pour moi, c'est le meilleur open world qu'on ait jamais vu, et c'est le meilleur Zelda jamais sorti. Alors qu'à la base, comme toi, je me disais, bon, s'il est juste mieux que Skyward Sword, c'est déjà bien, ce sera déjà très bien. Là, c'est le Zelda ultime, vraiment. Je voulais un truc au moins aussi bien que Wind Waker, tu vois. Allez, au moins, quoi. Ah, il va beaucoup plus loin. Mais... c'est, même si Wind Waker, je l'adore, attention, je le trouve super. Pour moi, c'est pas du tout le meilleur Zelda, quoi. J'aime bien Wind Waker aussi. Hein. Ouais, mais j'aime d'ailleurs, c'est ça qui est très bien, c'est que à l'intérieur de cette nouvelle grammaire qu'ils ont inventée pour l'open world, ils reprennent le meilleur de plein... T'as plein d'idées, que ce soit d'objets ou de features, tu vois, qui viennent de Wind Waker, de Skyward aussi, parce que t'avais une jauge d'endurance dans Skyward, mais bon, qui était vachement moins bien gérée. Ouais, c'est un peu pourri. Oui. Bien sûr, ça reprend aux Zelda classiques qu'on adore, et puis surtout au premier aussi. Ouais. C'est vraiment la renaissance, c'est une renaissance de la saga. Tu te rends compte du risque, quand même, qui a été écoute, pris, tu sais, comme je disais, c'est dur avec des mots, mais tu verras quand tu y joueras, parce que t'auras comme moi, t'auras le regard du game designer. Ce qu'ils ont fait, c'est miraculeux. Comment ça peut tenir comme ça? Tu sais, t'as l'impression d'un grand château de cartes, ou tu vois, d'une montagne, de la taille, enfin, d'une tour comme la Tour Eiffel, tu vois, mais... faite avec des verres de cristal, en fait. Ouais, et tu te dis, non, à un moment donné, tu vois, non, ça tient très bien. Parfaitement bien. Il y a une anecdote de développement, on va terminer sur ça, qui m'a un peu fait mal au cœur, mais qui est très représentative du développement du jeu. C'est que on sent bien, et je le vois, c'est un peu le Mario Galaxy de Zelda, quoi. C'est-à-dire que c'est une sorte de condensé d'idées, tu vois, d'idées brillantes. Et toutes ces idées brillantes, si tu ajoutes du talent de game designer et du talent d'exécution, et ben toutes ces idées brillantes ensemble fonctionnent très bien. Ouais. Font que tout fonctionne bien, et ça, c'est très compliqué de réussir à faire ça. Tu te souviens combien de fois on s'était dit avec Mario Galaxy, des fois, à chaque fois, tu as un niveau, tu as un nouveau pan gameplay qui s'ouvre, et on se dit, putain, il y a des développeurs... Ah, qu'aurait fait un jeu entier sur cette idée-là, quoi. Qu'aurait fait un jeu entier sur cette idée, quoi. Donc, alors que, voilà, pour Mario Galaxy, non, c'est juste un niveau, quoi. Tu vois, allez hop, basta. Et j'ai l'impression que ce Zelda, c'est un peu ça, et c'est pas qu'une impression. C'est complètement ça. Tout le long du développement, en fait, apparemment, les level designers, les designers à Aonuma, etc., s'est lancé des idées. J'ai eu telle idée hier soir. Tu crois que, attends, faut essayer, etc., blablabla. Et apparemment, ça a été ça tout le long du développement, et c'est aussi pourquoi le jeu a l'air d'être bourré d'idées dans tous les sens. Et ça me rappelle une anecdote. Où pendant le développement, il y a eu la mort d'Iwata, et que t'as Miyamoto, parce que Miyamoto aussi participait, faut pas croire, un peu au level design, aux idées aussi de gameplay, etc. Mais que t'avais Aonuma, les autres level designers, et Miyamoto, des fois, qui avaient une idée, et qui disaient, putain, Ah, faut que je le dise à Iwata. Ah, je l'ai lu cette anecdote. Etc. Ah, c'est horrible. Ouais, et qu'en le lançant et en arrivant au bureau, dans les premières semaines, c'est ah merde, bah non, on peut pas quoi. Tu vois, c'était très très poignant. Ils étaient tellement dans une dynamique. Et puis la fierté de dire à Iwata, regardez ce qu'on a trouvé. Ouais, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Demander son avis. C'était tellement un réflexe d'aller vers lui qui, ne faut pas l'oublier, était un développeur. Avant d'être le un développeur de génie, c'est un game designer de génie quoi, un codeur et un game designer de, il avait les deux casquettes quoi. C'était, ouais, c'est clair. C'est ça prouve que voilà, c'est un ce Zelda là, c'est définitivement un travail d'équipe. C'est bon principal. Oui, bah, je pense qu'Iwata a dû aussi beaucoup y contribuer et je pense, enfin à mon avis ça me paraît logique, mais je me garde la surprise. J'espère que je me ferai pas griller la surprise avant, mais je pense que le jeu doit lui être dédié. Il y a peut-être hein, quelque chose. À la fin, je pense. Ils ont tendance à le faire, Nintendo, ça, donc bon. Écoute, on peut conclure là-dessus, c'est que on vit une année historique de jeux vidéo. On a eu le Resident Evil qui a renversé la table. On a le Zelda qui est carrément pour moi le jeu de la gêne avec The Last Guardian, de la génération. Hein. Voilà. C'est extraordinaire. Moi, en fait, ça a réveillé mon amour de Zelda comme je l'avais du temps de Link to the Past, quoi. Avec un jeu qui est encore mieux. Et pour que je dise ça... Ouais, c'est hein, voilà, tu vois, c'est comme si un jour, je te dis, je trouve un Mario mieux que Super Mario World, quoi. Enfin, tu vois, ouais. C'est hallucinant. Ouais. Ils ont réussi. C'est vrai que je pensais pas t'entendre dire ça. Ah là là là. Zelda 3, c'est 93. Bah, fais le compte, hein. Non mais c'est compte depuis ces dates-là pour toi c'est le meilleur Zelda. Ah non mais c'est incroyable. Moi c'est le jeu qui me parce que c'est vrai que les derniers Zelda m'avaient beaucoup déçu etc. C'est le jeu qui me fait revenir dans le cercle des fans hardcore. Breath of the Wild, j'ai acheté le guide même si je m'en sers pas pour plaisir à la découverte. J'ai acheté le guide. Dedans il y a une carte comme à l'ancienne et j'ai envie de tout collectionner sur Breath of the Wild quoi. Enfin vraiment. Ouais. Ça m'a, tu vois, même les Amiibo j'avais arrêté d'en acheter. Là je peux pas parce que jolis, parce que comme toi niveau thune moi c'est hyper tendax en ce moment. Ouais. Mais je sais que quand je pourrais, bon j'espère qu'ils auront pas trop flambé. Et j'ai envie de me prendre les Amiibo. Non je pense pas parce qu'ils vont Breath of the Wild quoi. Ils feront partie des Amiibo comme avec Mario tu sais où il y en aura toujours. On vit mes amis une année historique parce que vraiment donc avec Resident Evil 7 là le Zelda Breath of the Wild. Qui est le meilleur Guns of Mercy sur iOS. Guns of Mercy sur iOS. t'as raison, il faut le replacer. Mec, quel melon, tu sais, genre. On a renouveau du free to play. Attends. On a Nier Automata qui dans le domaine des jeux d'action, d'action RPG, met un gros coup de pied dans la fourmilière aussi. Donc je l'ai reçu. Il est là et j'attends vraiment d'avancer vraiment beaucoup plus dans Zelda pour le faire en parallèle. On a Persona 5 qui va arriver. On a Yakuza 0 qui aussi j'ai dû mettre en stand-by par rapport à Zelda, mais qui est un des meilleurs Yakuza, si ce n'est peut-être le meilleur qui soit sorti. On vit non seulement une année historique et surtout aussi par rapport au fait que le jeu japonais revient en force dans les salons. Puis à la fin de l'année, il y a Mario. Et il y a Mario Odyssey qui va arriver. Et si Mario Odyssey est à la saga Mario, ce qui est Breath of the Wild, la saga Zelda, alors là, mes cocos, ça va être cataclysmique. Hein. Là, Nintendo, cette année, et on le répète par rapport à la Switch, parce que, voilà, vite fait aussi, avant qu'on coupe, j'ai reçu des messages comme quoi, effectivement, c'est vrai qu'on avait été très très dur avec la position de Nintendo au niveau de la Switch. Bah, à ce prix-là, oui. Et au niveau du prix, au niveau du line-up, ouais, mais le prix maintenant, il est redescendu au prix officiel en France, si j'ai bien compris. Elle est à 299 maintenant. Bah, je sais pas, c'est assez fluctuant, mais c'est vrai que. Moi, à côté, à Tours, là, il y a un magasin, ils la vendent à 270, quoi. Hein. Ah, donc, ouais, bah, c'est un peu plus intéressant. Ah, c'est super intéressant. Attends, c'est quand même une tablette. Hein. Faut se mettre aussi dans la tête des gens et de l'acheteur lambda. Non. 270 balles, une tablette avec des jeux avec Mario Kart et tout. Attends, bien sûr là, qu'ils achètent. Là, en fait, quand nous, on avait été très très dur avec la Switch, alors effectivement, il faut savoir reconnaître ses erreurs et on s'est planté sur le succès commercial. Parce que vraiment, Enfin, on n'était pas les seuls à avoir peur quand même. C'est quand même un petit miracle, ce grand succès de la Switch. Ah oui, mais tout le monde est surpris. T'as, bah, t'as vu la presse. Hein, vu le prix, la tech qui est quand même un peu à la ramasse et le line-up qui était ouais, vraiment... Ouais, mais la tech, elle est à la ramasse, mais pas pour une tablette. Non, pas non, mais... pour une tablette, une fois de plus. Donc, par rapport à la concurrence, le positionnement qui était un petit peu bizarre. One to Switch qui est quand même qui diffuse des vidéos de la honte. Moi, ce qui m'hallucine, c'est que ça m'a. En fait, tu vois le succès là qu'il y a. C'est... En fait, j'en parlais. On en parlait avec Kelly il y a quelques jours. La console, pour moi, elle a le succès qu'elle devrait avoir s'il était vendu avec un jeu. Et elle l'a sans. Donc c'est là le pari. Mais je pense que Zelda. Le pari Nintendo est réussi, quoi. Je pense que Zelda y est pour. Mais il y a la presse aussi, Bruno. Le Zelda, attends, il était chroniqué partout. À la télé, dans Télépoche, tout le monde dit que c'est le meilleur jeu de tous les temps. Non, mais attends, ce qui se passe aussi, c'est que, regarde, il y a énormément qui n'avaient pas de Wii U. Le Zelda, il sort sur Switch, tu peux y jouer où tu veux. Ouais. Je pense vraiment hein, que s'il n'y avait pas le Zelda avec. Je ne sais pas si tu as vu, le taux d'achat de Zelda par rapport à ceux qui ont acheté une Switch, on n'est pas loin du 100%. Hein. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu as vu le top, c'était. Oscar Le Maire a posté un tweet il y a une semaine, je crois. Ça m'a fait rire, le top des ventes en France. En premier, Horizon. Bon, ok. Ah bah c'est normal, il était très attendu. Top des ventes des jeux. Hein. Deuxième, Zelda Breath to the Wild. Troisième, Zelda sur Wii U. Quatrième, Zelda Breath to the Wild encore. Et là, je crois que c'est une version collector ou un truc spécial. En gros, dans le top 5, t'as 3 Zelda, quoi. Et puis en tout dernier, d'ailleurs, en 5e, Wii U Switch, ça m'a halluciné, mais dans le top 5, hein, t'as 3 fois le même jeu, quoi. C'est là où tu dis, c'est que... Tu te rends compte, tu triples ta place avec 3 itérations du même jeu dans un classement, c'est que les chiffres, on les connaît pas, mais je pense qu'on va s'évanouir hein, quand on va les avoir. Hein. Non, mais je pense qu'en fait, la Switch, ce qui pouvait lui arriver de mieux, c'est ce Zelda. Bref, on vit une année historique et elle ne fait que commencer. Donc c'est assez, c'est assez ouf. Donc voilà, c'est ainsi que va se terminer cet épisode 14 de Brocast. Alors effectivement, il y a eu énormément de temps entre l'épisode 13 et celui-ci. Comme on vous l'a dit en début d'émission, Julien, plus que moi, a eu énormément d'impératifs de travail et voilà. Parfois, on peut pas faire ce qu'on veut. Malheureusement. Ouais, bon, je pense que jusque là, on vous avait habitué à un rythme assez soutenu. Donc bon, il y a peut-être... Moi, de mon côté, ça commence un petit peu à se calmer. Gun, c'est terminé. La version Android est quasiment terminée aussi. Bon, je peux pas trop en parler parce que c'est sous contrat, mais et qu'il n'y a pas d'annonce encore officielle. Mais je suis sur un autre gros jeu qui est censé sortir en septembre. Pour ceux qui suivent un peu l'actu Storybird, il y a Agelos qui arrive cet été. Et là, même donc, ton si projet, c'est Street Fighter 6, non, c'est ça? Non, mais même si on n'a pas encore parlé, à Gelos, on est très proche de rentrer en phase de test de la version bêta. C'est... Voilà, en ce moment, c'est... Je dois jongler avec plein de jeux, plus avec la gestion de la société, qui est forcément pas évidente en France. Ce serait très évident dans d'autres pays, mais chez nous, tout est compliqué, donc... Tout est compliqué, tout est lent, faut subir les caprices. Toujours pareil. Voilà, les caprices, parce que c'est des caprices, hein, vraiment, de l'administration. Foutez-moi tout ça au bûcher, s'il vous plaît. Mais voilà, donc c'est très compliqué. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait beaucoup de studios qui ferment, quoi, en France et qui crèvent, parce que c'est tout simplement intenable. C'est très compliqué de tenir une société. En France, soit tu es dans l'alimentaire et tu es sûr à peu près de vivre parce que les gens ont besoin de manger. Soit t'es une énorme société quand t'es dans le divertissement, soit t'es gros, mais si t'es petit, t'es mort. Et donc nous, on est petit et on n'est pas mort, évidemment, mais c'est dur de survivre. Ça demande donc voilà, des batteries de sacrifices qui sont... Bah ouais, quand t'as deux cabinets comptables, parce que nous, on est passé par deux cabinets parce qu'on était sur Paris, puis ensuite on était en région centre pour un déménagement... Quand les deux cabinets comptables te reçoivent et te disent mais pourquoi vous avez pas ouvert en Chine ou au Canada, mais vous êtes con quoi d'avoir ouvert en France, enfin c'est vous tirer une balle dans le pied. Quand un service comptable homologué français te dit ça, tu te dis qu'on est un pays malade. On est clairement un pays malade quoi. Donc, oui, puis qui sait ce qui va nous tomber dessus là après les présidentielles. Ça c'est encore autre chose, mais donc voilà, donc tu vois le jeu vidéo en France est malade de toute façon, et ce qui fait que on n'a pas beaucoup de temps quoi pour se trouver, pour se dégager du temps pour les broadcasts, parce qu'entre les jeux à gérer et la boîte, sachant que la gestion de la boîte ça prend autant de temps que gérer les jeux, c'est dur quoi. C'est dur, quoi, franchement. De toute façon, on va faire en sorte que l'épisode 15 arrive au plus tard dans un mois. On vous tient au courant. Alors, peut-être avant, peut-être après, selon comment ça va se goupiller pour juger moi au niveau boulot. Et puis, mine de rien, on s'approche bientôt des 1 an. Ça passe vite, hein. Mais au mois de juin, parce qu'il me semble que le premier numéro, c'était au mois de juin 2016. T'es sérieux ? Je crois bien. Attends, j'ai regardé. Il me semble qu'on approche des 1 an, là. Hein. Oh, putain la vache. Eh ben ouais, ça passe hein. Eh oui, juin 2016 le premier hein. Non, sans déconner. Oh la vache. Donc il va falloir qu'on fasse quelque chose de spécial quand même. Et mon fils, il avait même pas 2 ans. Ah ouais, mais ça file hein. On a fêté les hier, c'est le mien a eu 7 ans hier hein. Tu sais ça passe hein. Ça passe hein, vraiment. Et du coup oh putain, on est vieux. Il faudra qu'on fasse un petit tips spécial. Juste, je voudrais remercier, avant qu'on coupe, aussi tous ceux qui nous suivent, ceux qui se sont impatientés de la sortie de l'épisode 14. Ah ouais, la vache, les spams. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci à vous de... Non, c'est cool, ça fout la pression. Alors, c'est cool. Je vais pas dire de nom, parce que je vais avoir peur d'en oublier un et je vais pas en vexer, mais c'est vrai qu'on a un petit groupe d'une dizaine de personnes qui nous suivent vraiment activement. Plus... Ah, c'est là, c'est la cellule parlante. Mais c'est la cellule parlante. Elle a l'air grande aussi. Hein. Voilà. Ah non, mais de toute façon... Au niveau des téléchargements, je crois qu'on en parle au début de cette émission-là, on est vraiment hyper étonnés que ça marche bien, qu'on se retrouve même parfois dans le top 5 des podcasts JV d'iTunes, on est très heureux. Et à cette minorité très active qui réagit énormément, on vous remercie beaucoup de nous suivre, de partager, de nous soutenir. Donc voilà, on va faire en sorte que l'épisode 15 arrive quand même pas trop tard. On finit toujours l'émission par... petite avant-première, on va peut-être pouvoir parler du développement sur Switch. Ah, d'accord, mais ce serait bien... Comment ça se passe, le kit de dev, alors évidemment, on ne pourra pas aller trop loin. Est-ce que tu n'as pas d'NDA là-dessus aussi après Si, peut-être, mais dans les mois à venir, je pense que je ne pourrais pas parler de la technique, puis parce que après, c'est plus... Non, mais juste du point de vue de toi, du studio, quoi. Intéressant. Voilà, un point de vue même gestionnaire, et vous dire... Alors, bon, j'ai déjà des échos hein, sur de collègues, quoi, on va dire, sur les kits de dev. Mais en tout cas, en plus de faire des bons jeux, de s'être réveillé au niveau des jeux et peut-être aussi au niveau du prix du hardware, apparemment, ils sont aussi réveillés sur le plan développement. Donc on va voir. C'est ça, Nintendo, c'est que c'est l'ascenseur émotionnel, quoi. Ça a été une prise de conscience, apparemment. C'était la douche froide lors de la présentation officielle de la Switch. Après, ils nous assènent une claquade internationale et mythique avec Zelda. Après, je sais pas, ils vont peut-être... On ne sait jamais en fait sur quoi on va tomber. C'est toujours les difficultés qui sont les meilleures, quoi. Toujours. En tout cas, c'est vrai que l'épisode où tu parlais de la difficulté de développer sur Wii U est un des plus populaires depuis le début. Et les gens aiment. C'est vrai que ça intéresse beaucoup les auditeurs quand tu dévoiles un petit peu les coulisses au niveau du studio, parce que c'est pas des choses qu'on entend en tout cas dans les podcasts US, si énormément. Mais c'est vrai qu'en France, on l'entend pas souvent. Et franchement, la Wii U, c'est je pense le pire kit de dev. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir ton ressenti sur les débuts sur Switch. Donc on vous tiendra au courant. N'hésitez pas si vous avez des idées de sujets, si vous voulez que par exemple Julien s'il peut y répondre, s'il peut le faire, si vous avez peut-être des interrogations sur l'envers du décor, sur le dev, ça peut être sur un point de vue typiquement. Software, même hardware, ça peut être sur ou hardware ou soumission, si je peux répondre, kit de dev, etc. N'hésitez pas. Et puis n'hésitez. C'est un peu comme ceux qui connaissent les stars, tu sais. Alors, il est gentil, Cyril Hanouna. Non, c'est un peu. Alors, il est gentil, Nintendo ou pas? Est-ce qu'il tu peux me le dire si c'est un con. Vas-y, je dirais pas. Jimmy Nintendo, il est sympa ou pas? C'est vrai que le plus sympa, c'est Microsoft. Martin Microsoft, on le connaît. Martin tous. Microsoft. Donc on finit. Non, Michel Microsoft, pour l'appeler Mimiche. Ah, Michel, c'est pas bête, ouais. Ouais. Mais Martin, j'aime bien, ça fait un petit peu. Martin. Précieux. Martin, c'est ça. On finit toujours chaque émission en vous proposant un morceau de game music pour voilà, constituer à terme. Elle est disponible sur notre blog, la liste ultime de game music. Bon son. La dernière fois, c'était moi qui vous proposais donc, le thème des maisons hantées de Super Mario 3D World. Yep. Et alors, là, c'est moi. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu nous proposes C'est la musique de Moustrap sur Atari ST. Ça, je pense que ça nous ferait plaisir qu'à nous, hein, qu'à nous deux. Mais... je suis retombé dessus. Je suis retombé sur Moustrap. Ah, mais quel souvenir fait, Lohan regardait une vidéo sur le net d'un jouet, là, bref, un jouet qui fait de la musique. Et ça t'a fait penser à Moustrap ? Ouais, la musique, ça m'a fait penser à Moustrap. Et je dis à Kelly, ouais, attends, c'est pompé sur la musique de Moustrap. Elle me regarde, elle me fait, c'est quoi Moustrap ? Genre, elle va connaître, tu vois. Toi, tu joues aux jeux vidéo, tu connais pas Moustrap ? Non, mais vraiment. Ouais, tu connais pas, mais dégage. Je suis sûr qu'elle connaît même pas Plutos. Non, mais Bruno, on est quatre à connaître plutôt. Sur un Italien, papa et tous les deux, c'est tout. Si, ceux qui nous écoutent, si certains ont connu plutôt un shoot sur Atari ST, allez, franchement, on cite votre nom dans l'émission, vous êtes un héros. Voilà. Plutôt, sérieux. Donc, bref, non, bah, on va. Bref, to the wild. Gog. Du coup, bah, on va rester dans le thème Zelda. Au début, je voulais faire Resident Evil, mais non, je vais plutôt faire Zelda. Et du coup, je vais mettre l'écran titre, roulement de tambour, pas de Zelda 1, mais de Zelda 2. Ah, génial. Qui est un de mes épisodes vraiment favoris. Et c'est pas pour faire genre, moi, j'adore un épisode que les gens n'aiment pas. Tu vois, c'est pas ça, c'est juste que j'ai un souvenir de ouf quand j'y jouais chez Maxime. Là. Mon Qu'est-ce pote, qu'il était dur. Oh là là là là. Ouais. Un souvenir de dingue, pour moi il était fou ce jeu quoi, en vue de dessus, paf, tu rentres dans des trucs, c'est un jeu de plateforme à la Mario, tu tapes à l'épée. Moi à l'époque c'est les chevaliers orange qui me rendaient ouf. Ouais mais bon quand tu connais la technique... Oui après voilà, ouais. Mais au début quand tu les croises tu fais oh putain. Enfin ça se voit que t'as pas été très loin parce qu'il y a pas que les rouges, hein. Il y a les gris et les bleus aussi. Hein. Donc, et ils sont pires parce que les gris et les bleus... Quand il tape, il tire. Non, mais je reconnais, Zelda 2, c'est l'un des rares épisodes de la série que j'ai pas terminé. Alors que, en fait, bon, voilà. Et pourtant, j'adore l'ambiance, j'adore le gameplay, mais à un moment donné, les nerfs prennent le dessus et puis je jetais la manette par terre et. J'y ai tellement joué quand j'étais petit que, du coup, j'ai passé. Maintenant, je le termine assez facilement, on va dire. C'est plus vers la fin, voilà, c'est vraiment les derniers donjons où il faut avoir la magie mirror. Moi, je fais ça. deux donjons, trois donjons, je sais plus, mais c'est pas genre je m'arrête au début parce que je trouve que c'est un des Zelda qui a. Il est fou, qui a une ambiance vraiment dingue. Voilà, de dingue. Il a une ambiance de ouf, pour le coup, là, il est aussi un peu en monde ouvert. Tu peux aller assez. On va dire qu'à partir du deuxième donjon, tu peux aller un peu partout où tu veux, dès que t'as le radeau, quoi, en gros. Mais d'ailleurs, pour ceux qu'on fait Fading Teddy 2, Chronicle of Teddy, achetez-le. Ah bah, c'est un hommage à Zelda 2, hein, FT2. Il y a énormément de... Moi, je sais que la première fois que tu m'avais fait tester la première Sprite. Version... Ah, c'est les combats, c'est les mêmes. Hein. Ah, enfin, c'est les mêmes. Tout de suite, on a repris un peu ce système de... C'est Zelda 2, Cross Wonder Boy, Cross Shadow of the Beast. C'est exactement ça. Bah, tu viens de résumer Fading Teddy 2, c'est un mix de Shadow of the Beast 1 et 2, de Wonder Boy et de Zelda 2. Pour moi, c'est vraiment... Paf. Avec des petites touches de Mario World. Sur certaines oui. idées. Oui, mais en tout cas, l'idée, la première idée avec Romain, c'était ça, quoi. C'était de rassembler ces trois jeux qu'on aime et que, bah, que voilà. Achetez-le sur Steam, sur Wii U, sur PS4. Il doit plus être... La meilleure version, c'est quand même la version PC et la version PS4, hein, je ne vous cache pas. Donc, bah, Parce que la Wii U, vu que c'est de la grosse merde comme console, des fois ça rame, il y a des endroits apparemment où ça crache. Bon, ça n'empêche pas de terminer le jeu, hein. Des jeux qui crachent, on a plein. Hein, mais... Enfin, juste pour dire que la Wii U, si vous réécoutez. Comment vous avez réécouté l'émission qu'on a fait sur la Wii U, donc, où déjà Julien parle un peu des backstage de dev au niveau de la Wii U, et moi je vous parle en fait des jeux que j'adore sur Wii U. Voilà, j'ai l'impression que j'étais un des rares à la défendre au niveau de ces jeux, et là, maintenant. Petit à petit, ça commence. Là, maintenant qu'elle est officiellement décédée. La Wii U, ça va être dur d'en trouver. Tous ces jeux dont je vous parle dans cette émission spéciale Wii U que j'idolâtre, comme Mario 3D World, Captain Toad, Super Mario Maker. Et puis alors maintenant, bah, y a Breath of the Wild, mais bon, même s'il est dispo sur Switch, mais voilà, qui arrive au sommet du podium. Mais tous ces jeux que j'adore sur Wii U, que j'ai toujours défendus, on va voir. On va bien se marrer quand dans quelques années, ceux qui se moquaient de la console vont casser leur PEL pour acheter un Mario 3D World ou un Mario Maker ou un Bayonetta 2 ou ce que ouais, vous voulez. On en reparlera, mais ça arrivera sur Switch. Ça. On va bien rigoler, mais bah. Ils vont faire des Nintendo classiques, je sais pas quoi. Tout ce. Bah, ce serait bien. Loupé, bah, bah, en fait, ce qu'ils font sur Mario Kart 8, bah, qui est voilà. le meilleur Mario Kart. Hein. j'espère qu'ils le feront parce que. Franchement, il faut un petit 3D World avec deux. Il faut que les gens jouent à 3D World. Mario Maker, il prendra aussi tout son sens comme sur ah Wii oui, U, en mobile. Quoi. Mais voilà sur Switch, Captain Toad. Et bon, enfin bref, on vous renvoie l'épisode. Comme d'habitude, on fait des fins d'émission qui durent trois plombes. Donc on va lancer. Ouais, voilà, j'ai un appel à passer. Voilà, on va lancer le thème de l'écran titre de Zelda 2. Ouais. Merci de nous suivre, merci de partager. Désolé encore pour le retard pour cet épisode. On va essayer de faire au mieux pour le prochain. Ouais. Et on vous dit jouez à bien bientôt. Et éclatez-vous bien sur Zelda. Salut. Ciao. Ciao. Thank you.